Profitez encore d'une jolie soirée sur la terrasse. Une nuit qui s'annonce calme et sereine. Température 10 à 13 degrés. Demain matin, on profitera d'une matinée largement ensoleillée. Ensoleillée même toute l'après-midi, même si quelques nuages élevés pourraient être aperçus ça et là. Côté température, 21 à 26 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Journée en demi-teinte pour les Belges à Rio. Olivia Borlée et Cynthia Bolingo notamment ont été éliminées dès les séries du 200 mètres. Par contre, en voile, Evie Van Acker espère toujours revenir avec une médaille. À Banneux, plusieurs milliers de pèlerins s'étaient donné rendez-vous pour le pèlerinage annuel du 15 août au sanctuaire Notre-Dame. Et dans la foule, des musulmans venus prier aux côtés des chrétiens, ce qu'a apprécié l'évêque de Liège. La Louisiane sous les eaux, la Californie qui brûle, le contraste est saisissant entre ces deux États américains. Le journal sur Vivacité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On prend la direction de Rio avec une déception pour Olivia Borlée et Cynthia Bolingo. Toutes les deux ont été éliminées en série du 200 mètres. Olivia Borlée a pris la 7e place. Quelques instants plus tard, dans l'autre série, Cynthia Bolingo a quant à elle terminé dernière. La sœur des jumeaux Borlée espérait en tout cas un peu mieux. Il y a un petit coup trop peu, je trouve que j'étais bien concentrée, je fais un bon départ, un virage pas trop mal. Mais vraiment en sortie de virage, je sens que j'ai plus les jambes, dû un peu au manque d'entraînement de ce dernier mois. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je sens que j'ai vraiment quelque chose de plus à montrer. C'est dommage de ne pas pouvoir le sortir ici, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas facile en plus parce que devant il y a la locomotive évidemment et on sait que tout de suite on va être à la traîne et ça psychologiquement c'est pas évident à gérer. C'est pas la première fois que je cours contre Daphné, donc non, ça j'ai vraiment essayé de faire abstraction et plutôt essayer de me laisser entraîner. J'étais très focus sur moi, donc non, c'était juste un plaisir de pouvoir courir avec elle. Olivia Borlée au micro de David Bertrand, toujours en athlétisme. Yeroun Dout a été éliminé en série du 3000 mètres steeple. Et puis a noté un nouveau record du monde, la Polonaise Wlodarczyk a lancé le marteau à 82 mètres 29. En voile, Evie Van Acker va tenter d'arracher une médaille. La dernière régate va s'élancer vers 18h05. On en reparlera tout à l'heure dans le journal des sports à 18h. En kayak, pas de médaille pour Arthur Peters, éliminé en demi-finale du 1000 mètres. En cyclisme, enfin, Yoline Dor a très bien commencé son parcours en Omnium. Elle est actuellement classée 3e après le scratch. La deuxième épreuve, la poursuite individuelle, est programmée ce soir. Par contre, chez les messieurs, Jasper De Beust a dû déclarer forfait pour la deuxième journée de l'Omnium. Notre pistard souffre d'une infection intestinale. En ce 15 août, environ 25 000 catholiques ont assisté ce matin à une messe à Lourdes, point d'orgue du pèlerinage de l'Assomption. Un pèlerinage qui avait été placé sous haute surveillance en raison de la menace terroriste. A souligné dans ce contexte le geste du président de l'exécutif des musulmans de Belgique, Salah Echalaoui, a envoyé une lettre aux évêques pour souhaiter à tous les catholiques une très bonne fête de l'Assomption. Un geste qui est une première en Belgique et qui a été très bien perçu par les évêques. À Banneux, plusieurs milliers de pèlerins s'étaient donné rendez-vous pour le pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame. Et là aussi, des musulmans sont venus prier aux côtés des chrétiens, ce qu'a apprécié Jean-Pierre Delville, l'évêque de Liège. Le reportage de David Brichard. Ils viennent à Banneux pour célébrer Marie. Elle serait apparue ici plusieurs fois à la petite Mariette Bécaud, entre le 15 janvier et le 2 mars 1933. Durant toute la journée, différents offices sont organisés. Ils rassemblent à chaque fois 3000 pèlerins, des hommes, des femmes, des enfants, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et comme out Nederland. Australia, Melbourne. We live in Germany, we are from Iraq. Dans les allées ici, on ne peut s'empêcher de penser à la mort tragique du prêtre de Rouen, survenu il y a quelques semaines. Pour l'évêque de Liège, cette tragédie doit servir pour créer une nouvelle base de dialogue entre le monde catholique et musulman. Ça nous a touchés et j'espère que ce sera aussi une semence de paix parce que je pense que les gens se rendent compte, et c'est vrai en tout cas chez les musulmans belges que je connais, que c'est totalement contraire à l'islam ce genre de geste, et au contraire, c'est vraiment le contraire de leur propre signification religieuse, quoi. Pour avoir un dialogue entre les communautés, Banneux est l'endroit idéal. Ici, les musulmans sont présents, majoritairement originaires du Kosovo. Ils viennent aussi célébrer Marie. Ils la considèrent comme la mère de leur prophète. Et puis toujours à Liège, les fêtes du 15 août battent leur plein, fête là aussi folklorique et religieuse. Après la procession de la Vierge Noire ce matin et la traditionnelle messe en plein air avec le sermon en wallon, place cet après-midi au traditionnel cortège avec les géants Tchantier et Nanès, Tchantier élevé par le gouvernement wallon au rang d'officier du mérite wallon. À Charleroi, une semaine après l'attaque qui a visé des policières, les esprits restent marqués et la foire annuelle qui bat son plein à quelques centaines de mètres à peine de l'hôtel de police en fait les frais. Ces dernières années n'avaient déjà pas été terribles en termes de fréquentation, mais la crainte des attentats renforce encore les difficultés cette année. Arnaud Pilet est allé à la rencontre de visiteurs et de forains un peu fatalistes. On y pense, oui. On ne sait pas faire autrement. Hein. Je regarde plus les gens autour de moi. Quand on va jouer, je me mets dans un endroit où je pourrais me cacher au cas où. Oui, on fait attention. Non, il y a des attaques partout, donc on ne va pas s'empêcher de sortir ni de vivre non plus. Qu'on aille à Mons, à Charleroi ou n'importe où, ben, ça peut péter. Donc on ne va pas s'empêcher de sortir non plus. Pas possible. Avec tout ce qu'il y a eu, les gens ont peur de sortir, donc il n'y a plus personne. Ils n'osent plus faire sortir leurs enfants. Il n'y a que dans les autres villes que ça va un peu mieux, mais ici, il n'y a vraiment plus rien. On a un petit peu peur, comme tout le monde, mais on a une bonne assistance de police. On voit quand même des militaires assez souvent et régulièrement qui se promènent à pied. Et on a quand même pas mal de voitures qui patrouillent sur la foire. Ça va. Pour moi, pas du tout de crainte. J'espère que les gens n'ont pas peur de sortir. C'est toutes les villes qui peuvent être visées de toute façon. La menace, elle est toujours là, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. Avec des tarifs de 15 euros pour un Bruxelles-Paris ou un Bruxelles-Amsterdam, les voyages en bus connaissent de plus en plus de succès. Mais dans ce secteur aussi, la tendance est à la concentration des moyens et des acteurs. Flibux, une société allemande qui propose 900 destinations dans une vingtaine de pays européens, a racheté il y a un mois Megabus, la plus grande société britannique de transport en bus. Et cela ne va pas sans quelques dégâts collatéraux. Ainsi, la trentaine de chauffeurs Megabus, basés en Belgique, ont perdu leur emploi, François Hubert. 11h30 ce matin devant la gare du Nord. C'est ici le rendez-vous des grandes lignes de bus pour toute l'Europe. À l'arrêt, le mégabus en provenance de Paris. Il débarque ses passagers et en reprend d'autres, destination Amsterdam. Marc Deneuf, le chauffeur, vient de terminer son shift. Et pour lui, le voyage s'arrête ici, définitivement. Megabus Belgique a fini, Megabus Allemagne et Italie sont déjà finis à cause de Flexbus qui a acheté Megabus. Et nous, on n'a plus de travail. Ils nous jettent dehors, ils n'ont pas besoin de nous. Flexbus n'a pas de bus. Flexbus prend le sous-traitant. Ça veut dire qu'ils prennent n'importe quelle société et ils disent, voilà, j'ai besoin de 10 bus, donnez-moi 10 bus. Mais nous, soi-disant, on est trop cher, alors ils ne veulent pas prendre à nous. Ben Achouba, le chauffeur qui prend le relais jusqu'à Amsterdam, connaît, lui, un petit répit. Il est français et Flixbus n'a pas encore fait connaître ses intentions pour le marché hexagonal. Mais il ne se fait guère d'illusions sur ce transporteur qui repeint ses bus en vert. L'intention de Flixbus, c'est de voir des bus verts partout en Europe. Quoi. Voilà leur but. C'est le plus gros acteur. Pour le moment, oui. Flixbus a transporté 20 millions de passagers en 2015. Il reste Webus et Eurolines comme grandes compagnies concurrentes. Le paysage du transport par bus se rétrécit. Le reportage de François Hubert. Un couple de Britanniques pris en flagrant délit de trafic d'êtres humains hier à Zeebruges. Lors de l'embarquement sur un ferry, les policiers ont découvert 6 personnes dans leur caravane. Des sans-papiers bien cachés dans de petits espaces, notamment sous les banquettes. Le couple a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt. Aux États-Unis, des milliers d'habitants ont été forcés d'évacuer leur maison ces dernières heures. En Californie, pour fuir un gigantesque incendie. Et en Louisiane, Daniel Fontaine, ce sont des inondations qui ont fait 5 morts. Le contraste est saisissant entre ces deux États américains. La Californie brûle, tandis que la Louisiane se noie. Des pluies torrentielles provoquent d'importantes inondations dans cet État du sud des États-Unis. Plus de 10 000 personnes ont passé la nuit dernière dans des refuges. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans ces intempéries. Le président Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle en Louisiane. Quelques 1700 militaires sont mobilisés et leur nombre pourrait augmenter. Sur la côte ouest, par contre, la Californie endure des températures élevées. Tout l'État est frappé par une sécheresse historique. Des conditions favorables au déclenchement d'incendies, un gigantesque feu de forêt a pris de l'ampleur durant le week-end. Plus de 4000 personnes ont dû évacuer devant l'avancée des flammes. Une douzaine de maisons et de commerces ont été détruits. Cette région avait déjà été durement touchée l'année passée. Plus de 1300 habitations avaient brûlé et 4 personnes avaient alors perdu la vie. Voilà, c'est la fin de ce journal. On vous retrouve pour le 5 à 7, Cyril. Merci Franck pour ce journal. Merci de bosser et de nous informer un jour férié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent aujourd'hui. On vous retrouve tout à l'heure et prochain point sur l'actu à 18h sur Vivacité. 17h, presque 10. On va faire un point RTBF Mobile Info dans quelques secondes. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. On va retrouver tout de suite Adrien Demey pour un point RTBF Mobile Info. C'est calme cet après-midi. Oui, très calme. On note simplement sur le 411 ces déchets de pneus qui se trouvent à hauteur de Jesus Eik au kilomètre 7 vers Namur et puis d'autres objets encombrants. Toujours sur le 411, sur le tronçon Arlon vers Namur cette fois à hauteur de Talin. C'est une poubelle qui se trouve au milieu des deux voies de circulation à hauteur du kilomètre 111. C'est en direction de Namur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule? Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. L'ADEPS, ce n'est pas que des marches points verts et des stages sportifs. C'est aussi un tremplin de qualité pour envoyer briller nos sportifs francophones de haut niveau aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Suivez les performances à Rio de Nafi Thiam, de Charline Van Snick, des frères Borlée, de Joachim Gérard et de tous les autres sur www.sport-adeps.be avec Vivacité et les éditions de l'avenir. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Oh, bon, et je m'installe où, moi? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, demain, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Jusqu'à 19h, 5 à 7, avec Cyril. Bienvenue si vous arrivez sur Vivacité, j'espère que votre journée s'est plutôt bien passée. On va la finir ensemble, passer un petit temps ensemble, en tout cas jusqu'à 19h, et faire le tour de ce qui se passe aujourd'hui. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on profite quand même pas mal de ce jour férié. On va faire un tour dans un instant pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est la mer qui fait le plein? Est-ce que c'est les activités dans les thermes, genre kayak qui cartonnent? Est-ce que vous êtes plutôt ski nautique, wakeboard et tout ça? On va faire un petit tour dans quelques minutes. On parlera aussi d'avion. Alors l'avion, c'est important pour partir en vacances, mais est-ce que vous savez pourquoi dans les avions, les hublots sont de forme ovale? Si vous avez une idée, 3063 par SMS, et si vous n'en avez pas, restez bien là, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'actu, comme quoi, il ne se passe pas grand-chose un 15 août pour que ce soit dedans, mais on va y revenir avec un pilote d'avion qui sera là pour nous expliquer la raison de cette forme. Et c'est vraiment pas le hasard qui fait que les hublots sont de forme ovale. On en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. On va faire un tour donc de ce que vous faites en ce 15 août, comment vous avez occupé cette journée, comment vous allez occuper la soirée, ce que vous avez fait ce week-end. On fait le tour avec vous de toutes les activités, tous les bons barbecue entre copains, s'il vous reste de la place, voilà, après avec l'équipe on peut venir, tout ça, enfin des choses comme ça, vous nous dites et on fait un point dans quelques minutes. Et alors si vous travaillez, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de raison, manifestez-vous en disant moi je travaille pendant que tous les autres sont en train de profiter du soleil et attraper des coups de soleil. 3063 par SMS pour 50 centimes le message, et alors il y a la page Facebook aussi pour réagir, facebook.com/5a7vivacité. On ira à Rio aussi tout à l'heure, il y a les épreuves de voile qui se déroulent aujourd'hui, on verra comment ça se passe et si on a une chance de médaille avec Evie, à suivre donc tout à l'heure sur Vivacité. Et à propos des JO, vous avez déjà vu ces photos, on voit tout le temps les athlètes mordre leur médaille. Pourquoi mordent-ils leur médaille? Il y a une explication, il y a une vraie raison, et elle sera donnée tout à l'heure par Philippe Godin, qui est un professeur psychologue du sport. Parce que ce n'est pas que pour les photos, parce qu'il y a cette rumeur là en disant c'est les photographes qui aiment bien ça, mais c'est pas que ça. Ce psychologue nous expliquera pourquoi dans le 5 à 7 ce soir. Forcément dans l'actu, il y a aussi les Pokémon, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant, on va prendre la direction de la mer. On va partir à Ostende. Alors si vous étiez il y a quelques minutes sur Vivacité, vous avez entendu déjà Olivier Gillin. On était en direct de la Rio House. Olivier, comment ça va au soleil? Écoutez, Olivier est reparti. Ah, il est reparti, c'est Jean-Marc qui est là. Jean-Marc, comment ça va? Écoutez, mais très bien, très très bien. Je suis au bord de la mer ici. Oui, on l'a perdu. Oui, je sais pas. Il a trouvé des trucs à boire, à déguster. Donc il est parti. Donc moi, je me promène sur la plage où il y a encore plein de monde. Et où il y a un petit peu de vent, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu, mais ça fait du bien parce que la température est quand même relativement élevée et ce petit vent fait effectivement du bien. Et c'est vrai que le monde est venu en masse hein, ici à Ostende en ce 15 août, en ce long week-end. Alors justement, est-ce qu'il y a encore de la place sur la plage? Mais il y a encore de la place sur la plage, effectivement. C'est vrai qu'il est 17h15, donc ça va commencer un petit peu à se vider. On voit les gens qui sont en train de quitter la digue ici. Mais il y a encore du monde, encore des gens qui bronzent, des gens qui sont en train de jouer au frisbee, au ballon ici. Et puis je me trouve à 50 mètres de la Rio House, où là encore, bah, il y a du monde jusqu'à ce soir 22h30, vous le savez, où tout ça est gratuit. Et c'est vrai que ça touche la plage, tout ça communique ensemble. Et ça fait vraiment une grande fête ici, la fête des Jeux Olympiques, mais également la fête des vacances, hein. Les vacances, on est encore en plein dedans, même si on est le 15 août. Et non, le monde est vraiment super bien présent. Je vous en dirai plus en quittant en ce temps pour voir si c'est compliqué. Alors, ou pas. C'est ça. Est-ce que vous appréhendez la route du retour? Mais effectivement, c'est un souci un petit peu récurrent pour venir ce matin. Ça a été tout seul, pas le moindre ralentissement pour partir. Ben on verra bien, on prendra le temps qu'il faut. Hein, on va pas se tracasser. Hein, ce sont les vacances quand même. Bah oui. Et puis sincèrement, quand on est à la plage, quand on a bien profité de la journée, si au pire on met plus de temps que d'habitude pour rentrer, c'est pas un gros souci hein, non plus. Non. Jean-Marc, est-ce que vous êtes glace vous? Je suis glace, oui. Ouais, effectivement. Vous êtes glace quoi à la mer? Qu'est-ce qui marche cette année? C'était quoi la tendance? Vous avez vu quoi dans les... Écoutez, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir les marchands de glace, malheureusement. Moi, ce que j'aime bien, c'est la fraise. Voilà. Vous êtes fraise. C'est très basique, c'est très simple, mais... Ouais, mais il faut pas faire des trucs compliqués. Ce qui fonctionne. Hein. Bah non plus en même temps, non. Qu'est-ce qu'il y a sur les t-shirts des enfants? Qu'est-ce qui a coulé comme glace? Est-ce que c'est du vert pistache, du rouge fraise? Voilà, c'est à ça qu'on peut voir ce qui fonctionne aussi. Hein. C'est les t-shirts des enfants qui morflent avec les glaces qui coulent et voilà, il y en a toujours partout. Et c'est là qu'on remercie l'inventeur du petit pot de la glace. Oui, effectivement, ça coule un peu moins avec celui-là. Effectivement. Bon, mais bon retour Jean-Marc alors. Merci beaucoup Cyril. Et on espère que vous allez retrouver Olivier Gilin quand même. Hein. Mais je cherche, hein. Voilà. Je cherche. Il est peut-être en train de jouer au club. Ça existe encore ça, le club Mickey? Non, ça n'existe plus, les balançoires et tout ça. Parce que sinon, il est là-bas, il joue. Non, mais il y a des clubs dans la Rio House. Il y a le Kids Village où on peut s'amuser, s'entraîner, faire du saut en longueur, du saut en hauteur. À mon avis, il est peut-être là, tiens. Ah, mais il doit être en train de faire ça. Faire un tour là-bas. Allez, jeter un œil. Merci Jean-Marc et bon retour. Merci. 17h17, on va changer d'ambiance. On reste dans l'eau quand même. Je fais la rivière, une nuage pleut la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan. Il faudra qu'on me dise où on est allé chercher cette chanson. Si jamais on a le temps, on écoutera un peu plus de cette chanson dans quelques minutes. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, on va parler de kayak tout de suite. On a quitté la mer pour aller à l'intérieur des terres. On va retrouver Olivier Pitance. Vous êtes directeur de Dinan Évasion. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau. Est-ce que vous avez eu du monde, Olivier? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Quand on est en Belgique, quand il y a de l'eau, du soleil et des gens en vacances, il faut en profiter, surtout pas se plaindre. Ah bah, ça, c'est la folie en ce moment, du coup. Il y a du monde sur la laisse du côté de chez vous. Enfin, quand je dis sur la laisse, c'est pas la laisse qui passe à Dinan? Ah, si, quand même. Si, vous avez la laisse aussi, oui. Il y a la laisse et la Meuse. On a la chance d'avoir les deux rivières. Enfin, une rivière et un fleuve. C'est ça. Bah, du coup, il y a de la descente à faire. Qu'est-ce qui marche bien en distance? Parce qu'on peut choisir la distance quand on veut faire du kayak. Voilà, il y a soit une journée entière avec 20 km où il y a environ 4 à 5 de navigation, ou alors une demi-journée avec 12 km et 3 heures. Et qu'est-ce que vous faites le plus? C'est les 12 km, je suppose. Ah, ça dépend. C'est deux clientèles différentes. Il y a les plus sportifs qui viennent ici pour une journée, pour s'amuser, bouger un peu. Et puis, il y a les gens qui veulent démarrer plus tard de chez eux le matin ou faire une deuxième activité, qui ont assez avec une demi-journée. Il y a vraiment les deux profils de personnes. Olivier, imaginons qu'on ne soit pas sportif du tout, du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'on peut quand même se lancer dans la descente en kayak? Bien entendu, hein, c'est le kayak, c'est d'abord le moyen le plus naturel de découvrir une superbe nature et un très bel environnement. Et de toute façon, avec le courant, le kayak, il arrivera toujours bien un jour à destination. Donc, il y a moyen de le faire à la sportive, mais surtout de le faire à son aise, bien sûr. Donc tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut venir chez vous. Et c'est jusque quand, la saison du kayak? Ah ben disons que nous on est au Belge que fin octobre, et disons qu'il y a différentes périodes, maintenant c'est vraiment aller ensoleillé, touristique et autres, mais à partir de septembre, avec les couleurs de la nature, ça c'est vraiment un tout autre paysage. C'est vraiment pour apprécier c'est ce changement de couleur qui est superbe, où la nature reprend plus ses droits, c'est plus calme. C'est une autre clientèle moins massive où on peut vraiment en profiter différemment. Donc si on l'a fait cet été, on peut de toute façon revenir le refaire quand il y a d'autres paysages à regarder. Olivier, j'en profite que vous êtes là pour vous demander ce soir, ça vaut encore la peine de vous rejoindre ou c'est complet? Alors aujourd'hui nous étions complets, mais de toute façon il est un peu trop tard pour démarrer la journée en kayak, mais pour les prochains jours, on annonce encore une météo magnifique, en tout cas jusque jeudi, donc il ne faut pas hésiter pour les personnes qui sont en congé d'en profiter et de venir nous joindre. Et il vaut mieux réserver? Ah, toujours réservé au 082 22 43 97 ou alors sur le site internet dinan-évasion.be. Ah ben voilà, le message est passé. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7, Olivier. Et bonne balade en kayak du côté de Dinan. On fait le tour cet après-midi de toutes les choses qu'il y a à faire en ce 15 août. Vous aussi, vous nous donnez vos bons plans au 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. On va tout de suite aller au standard rejoindre quelqu'un qui est au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, quel est votre prénom? Étienne, c'est ça? Étienne, bien soyez le bienvenu sur Vivacité, Étienne. Vous avez passé une bonne journée? Oui, très bien. Elle a commencé pas trop tôt parce qu'on commence à moissonner à partir de 11h midi. Ah, c'est ça, vous bossez, vous moissonnez toute la journée? Ouais, tout à fait, voilà. Mais bon, ça se passe de plus ou moins midi, le temps que la rosée soit évacuée. Ouais. Et on moissonne jusqu'aux 10h du matin. Donc, ça peut aller jusqu'à 3-4h du matin. En fonction du temps, si on a un peu de vent, si on a la chance d'avoir un peu de vent dans la nuit, à ce moment-là, l'humidité ne tombe pas et on peut continuer un peu plus tard. Et bien, vous faites une pause quand même? Ah ben, on fait la pause entre 3h et midi, oui, voilà. D'accord. 3h du matin et midi. Ah ben, ça fait des longues journées quand même. Donc, au milieu de la nuit, il n'y a pas une petite pause barbecue, un truc, une petite grillade sur un bras zéro, tout ça, il n'y a pas, quoi. Ah, bon, il faut quand même éviter le feu sur un champ de paille. Hein. Oui, effectivement. Il ne faut quand même pas être prudent. Non, mais quand je dis des trucs cons, il ne faut pas hésiter à me le dire aussi. Hein. N'hésitez pas, vraiment. Vous avez raison de le faire. Donc là, vous êtes parti jusqu'à 2-3 heures du matin. Courage à vous. Vous êtes dans quel coin? À Holchin, donc tout près de Binche, Binche-Mont. Et là, vous allez moissonner sur quelle période? Pendant combien de jours encore? Ah, ici, c'est encore un jour de moisson et on termine. Donc on est plutôt sur la fin que sur le début. Et après, vous dormez pendant une semaine? Non, parce qu'après il y a autre chose, hein. Il y a la saison continue, ben, on arrive tout doucement sur l'automne, et donc il y aura le travail des terres et ensuite les arrachages de pommes de terre qui vont bientôt commencer aussi, hein. Donc voilà, on est toujours sur la... Oui, pas de problème, on ne s'embête pas. Eh ben, courage à vous Étienne et merci d'écouter Vivacité pendant que vous faites tout ça. Je vous souhaite un bon travail, une bonne soirée alors, à bientôt. Également, au revoir Étienne. Il est 17h23, on continue le petit tour. Qu'est-ce qui cartonne en ce 15 août? Comment vous occupez votre journée? C'est la question que je vous pose au 3063 par SMS. On va prendre la direction des barrages de l'Oder tout de suite avec Cédric Vandermode. Vous êtes directeur général du téléski nautique des barrages de l'Oder, de The Spin. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu du monde au barrage de l'Oder? Est-ce qu'il y a eu du monde au téléski en cette journée? Alors, je crois qu'au barrage de l'Oder, d'une manière générale, il y a dû en avoir, mais j'ai pas beaucoup quitté mon site, donc difficile à dire. En tout cas, chez nous, on a eu beaucoup de gens. On a encore beaucoup de gens sur site, là, pour le moment. Alors, on rappelle l'idée, c'est qu'on est tiré par un câble, comme si on était au téléski, hein, sur de la neige, sauf que là, c'est sur l'eau. Et donc, c'est une journée où les gens qui ne l'ont jamais fait viennent tester, ou bien vous êtes sur un jour de pros qui se perfectionnent? Ah non, typiquement aujourd'hui les pros ils jouent à la pétanque et ils boivent des verres et ils laissent tous les débutants en profiter. Typiquement quand il fait très très beau, on a plutôt les gens qui viennent faire des initiations en famille. Et donc ça se passe de façon très simple, on arrive, on reçoit les instructions. Pour l'avoir testé il y a pas longtemps, je peux en parler, c'est que voilà, même quand on est une brêle en sport, je parle de ma personne, on arrive à faire un petit peu de parcours quand même, hein. Voilà, théoriquement, enfin ça c'est notre métier à nous, hein, c'est de réussir à faire glisser les gens un peu, quelle que soit leur typologie ou leur historique sportif. Et on a une très bonne équipe de coachs au ponton qui est là justement pour encadrer les débutants. Et typiquement une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment de l'initiation, de l'initiation, de l'initiation. Un petit conseil sur les horaires pour venir vous voir, parce que là vous êtes ouvert encore pendant quelques heures. Donc imaginons que ce soir on ait envie d'un petit peu de fraîcheur, on peut venir encore. Oui, donc ce soir on tourne jusqu'à 21h10, nous on travaille toujours avec le soleil, donc la fermeture du téléski correspond toujours au coucher de soleil. Et alors, sur des belles journées comme ça, on va dire, il faut éviter le créneau de 13 à 18, qui est le créneau où tout le monde veut évidemment venir. Avant 13h, c'est plus calme, et après 18-19h, ça se recalme à nouveau. Et donc, c'est les moments les plus agréables pour en profiter, puisqu'on a beaucoup plus de temps à consacrer à chaque skieur et qu'il y a moins de fil à faire pour pouvoir faire un démarrage. Et ben voilà, merci pour l'astuce. Donc aujourd'hui, c'est encore possible de vous rejoindre. Et merci d'avoir lancé ça pour pouvoir se rafraîchir quand on en a besoin. Alors ça fonctionne même quand il ne fait pas beau. Mais quand il fait beau, c'est vachement agréable. Merci Cédric Vandermotte. Bonne soirée avec à vous. Avec plaisir. À bonne bientôt. Soirée, bonne fin de journée. 17h26. Alors, on a vu la plage, on a vu le kayak, on vient de voir le ski nautique et le wakeboard. On va prendre l'avion tout de suite, on change. Alors pourquoi on prend l'avion ce soir ? Eh bien parce que aujourd'hui l'actu étant tellement chargée, c'est le site Sud Presse qui nous parle d'une raison pour laquelle les hublots des avions sont de forme ovale. Vous êtes peut-être jamais posé la question, mais quand on s'arrête dessus, on se dit c'est vrai, tiens, pourquoi c'est ovale ? Pourquoi c'est cette forme-là ? Il y a une vraie raison. On va en parler avec Waldo Cerdan. Vous êtes pilote d'avion, ancien commandant de la Sabena et chef pilote également. Bonsoir Waldo. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 ce soir. Alors, pourquoi est-ce que ces hublots sont de forme ovale ? Il y a une vraie raison à ça ? Oui, pour le dire tout simplement, disons que la construction en forme ovale permet à la cellule d'avoir une meilleure résistance. Il faut savoir que l'avion est, ce que tout le monde sait d'une manière générale, est pressurisé. Oui. Cela veut dire quoi ? C'est que l'air en altitude est à une pression de 200 millibars et donc totalement irrespirable. Pour pouvoir respirer, eh bien, on gonfle l'avion comme on gonflerait un ballon de football. Donc on soumet l'avion quand même à une contrainte importante. Pour avoir une idée, la pression qui est exercée sur les parois de l'avion en altitude à 10 000 mètres est quand même de l'ordre de 5 tonnes par mètre carré. Et donc cet avion est gonflé au décollage lorsqu'il monte et puis l'opération inverse à l'atterrissage. Ce qui veut dire qu'il y a une contrainte mécanique qui est exercée sur toute la cellule de l'avion à chaque vol. Il peut, pour une durée de vie d'avion, c'est plusieurs dizaines de milliers de fois. Ouais. Et donc pour éviter des fissures, il faut avoir notamment arrondi, qui justement ont une meilleure résistance à ces contraintes mécaniques. D'accord. C'est tout simple. Eh ben, franchement, ça va. Enfin, il y a des gens qui ont pensé à ça quand même. C'est pas mal, hein. C'est bien. Parce que, j'imagine que c'est avec des mauvaises expériences qu'on est arrivé à ça. Mais il y a très longtemps, effectivement, au tout début, dans les années 50, les premiers avions pressurisés avaient des hublots carrés. Et puis c'est vrai que l'on voit la fatigue mécanique à l'expérience. On peut faire des calculs. Je dirais a priori, mais effectivement, après, l'observation des fissures est une opération qui se fait tout au long de la vie de l'avion. Et donc, il y a certaines techniques qui ont permis de constater que la fissure était moindre dans ce type de configuration-là. Merci pour ces explications. Waldo, j'en profite que vous êtes là parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'aviation, de la sécurité dans les avions, des pilotes aussi. Et vous travaillez en ce moment justement sur l'amélioration de la formation des pilotes. Oui, la formation des pilotes de ligne beaucoup évolué, on va dire, ces 20 dernières années. Une des grandes particularités, c'est qu'elle est devenue essentiellement privée. Donc aujourd'hui, je dirais, toute personne qui a un budget de plus ou moins 100 000 euros et une santé plus ou moins correcte peut obtenir une licence de pilote de ligne. C'est un peu court, mais je dirais que c'est un petit peu ça. Donc forcément, il y a un impact sur la sécurité aérienne dans la mesure où on apprend plutôt aux gens à utiliser les avions plutôt qu'à être ce qu'on appellerait un aviateur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut combiner des facultés psychomotrices, ça veut dire la gestion de la trajectoire de l'avion, des facultés cognitives, savoir où on est, la visualisation spatiale, et pouvoir faire tout ça dans un environnement extrêmement hostile et stressant. Il y a des gens qui peuvent faire ces choses dans un environnement calme, et puis dès que la situation devient beaucoup plus chargée, perdent leurs moyens. Et, disons, c'est inquiétant pour un pilote quand même. Ben disons que c'est pas c'est-à-dire que c'est très ennuyeux et ce qui est particulier, c'est que ces dernières années, on va dire depuis 10 ans, on observe, même si les accidents sont quand même beaucoup moins nombreux que par le passé, les statistiques n'ont jamais été aussi bonnes. En revanche, ce qui est particulier, c'est que les accidents qui ont eu lieu ces 10 dernières années, pour la plupart, les pilotes ont perdu le contrôle de l'avion alors que celui-ci fonctionnait plus ou moins bien, on va dire, avait des problèmes mineurs, mais où le lien peut être clairement établi dans une faculté de pouvoir faire face à une situation inattendue et un peu compliquée. Rapidement, alors, Waldo, on a là une chance que ces formations des pilotes évoluent rapidement ? Mais le problème, c'est qu'elles évoluent en fonction de la demande du marché. Et donc, à défaut d'avoir une analyse, je veux dire, sérieuse qui se fasse sur ce processus et une adaptation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je crains que la tendance va se confirmer telle qu'elle est là maintenant. Bah, espérons que ce ne soit pas le cas et que vous soyez entendu et qu'on puisse faire évoluer ces formations de pilotes. Merci Waldo d'être passé dans le 5 à 7 ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous écoutez Merci. Vivacité, il est 17h30. Samouraï, Dame, Tomasenko, Ablaï Sissoko et Constantinople, Lula Pena, une carte blanche à Manu Hermia, Trick Track Trio et Polairement, Diab Quintet, Refugees for Refugees, des stages, des concerts gratuits intra et extramuros. Le Festival d'Art de Huy, musique et voix du monde. Du 20 au 24 août. Info, huyartfestival.be. Avec l'avenir et vivacité. Vous écoutez Vivacité, 17h30, voici la météo tout de suite, on retrouve Dominique. Et une soirée, une nuit qui seront tout à fait calmes et sereines après cette belle journée chaude et ensoleillée. Température entre 10 et 13 degrés, donc on pourra traîner un petit peu sur la terrasse ce soir. Demain, on va profiter d'une matinée largement ensoleillée. On constatera peut-être quelques passages de nuages assez élevés, mais ça ne va sans doute pas perturber le beau soleil qui va briller toute la journée. Au côté Mercure, nous allons pouvoir profiter de 21 à 26 degrés, s'il vous plaît. Mercredi, aussi une belle journée ensoleillée. Le soleil va dominer dès le matin. Et côté température, pareil, 21-26 degrés. C'est bien qu'il ait fait beau pour une fois un jour férié. Parce que demain et après-demain, que la météo soit belle, il y a plein de gens qui vont prendre le boulot. Pour une fois aujourd'hui, tout le monde est, ou presque, hein, est en congé. C'est agréable. C'est bien. On en profite juste de l'air conditionné et des néons. Mais c'est oui, c'est une autre ambiance dans le studio de Vivacité. On est content d'être là aussi. Oui, et puis on est assis pour parler dans un micro. Ça va, il y a pire, je pense, comme travail. Mais voilà. C'est vrai qu'on pourrait faire l'émission en extérieur. On pourrait faire l'émission un jour sur une terrasse. Ou les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, ça c'est pas mal. Ben, on aurait dû rejoindre l'équipe à la Rio House, en fait, à Ostende. On y pensera peut-être pour les prochains Jeux Olympiques. On va faire un point sur les routes, comment ça roule cet après-midi à 17h32. C'est le RTBF Mobile Info, on retrouvera Adrien Demey. Ça roule bien, jour férié, donc forcément, traditionnellement, moins de trafic. Une petite chose à signaler, ce sont ces déchets de pneus sur le 411 à hauteur de Jesus Lake, à hauteur du kilomètre 7. C'est en direction de Namur. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Direction Rio dans un instant, où il fait peut-être moins beau que chez nous d'ailleurs, parce que je vous rappelle que c'est l'hiver là-bas au Brésil. Donc on verra comment ça se passe niveau météo à Rio, mais on s'intéressera surtout aux épreuves de voile à Rio. Ce soir, il y aura entre autres Vivian Acker à suivre en direct en télé sur la 2. On en reparle dans quelques minutes avec François Zelensky. À propos des Jeux Olympiques, vous avez déjà vu ces images, ces photos avec les sportifs qui mordent leur médaille après la victoire. Ils les mettent entre leurs dents, comme s'ils allaient croquer dedans. Pourquoi ils font ça? Alors il y a la raison des photos, on en parle, forcément avec ces photographes qui aiment avoir la tête et la médaille sur, dans un cadre assez serré. Mais c'est pas la seule raison. Un psychologue du sport viendra nous en parler dans quelques minutes sur Vivacité. On parlera d'une nouvelle appli aussi, c'était à lire sur la rtbf.be, une appli qui permet de tester ses connaissances en vain. Mais au fait, comment est-ce qu'on sait si on est un bon connaisseur de vin ? Est-ce que vraiment il faut passer par une appli ? Comment est-ce qu'on est un bon connaisseur ? Eric Boschmann viendra nous répondre à cette question tout à l'heure. Le cactus de Jérôme de Warzé arrive, c'est le best-of, c'est l'été. Et vous le savez, en attendant la rentrée lundi et le retour de Jérôme de Warzé dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. Et puis cet après-midi, on parle de ce que vous faites, vous, pour vous occuper en ce 15 août. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre journée ? À quoi vous êtes occupé là cet après-midi, vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On va chez Daniel tout de suite qui va nous le dire. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bienvenue sur Vivacité Daniel, comment ça va ? Très bien. Je suis heureux de vous avoir au téléphone. Ben c'est gentil. Vous rentrez de vacances et vous vouliez partager ça avec nous ? Ben voilà, mais je suis pas encore rentrée, là je suis à 10 minutes de la maison. Alors c'est encore les vacances. Oui, un peu, oui, si on peut dire. Vous étiez où ? Je suis à la baraque Fréture là pour l'instant. D'accord. J'étais en Charente-Maritime. Ah, c'est sympa ça. Vous êtes allé voir le Fort Boyard ? Pas cette fois-ci, mais je l'ai déjà vu, oui. Mais oui, alors, oui. C'est intéressant à voir. Oh bah, disons qu'on le voit de la plage, on le voit de loin, autrement il faut le faire le tour en bateau. Oui, ça vous ne l'avez pas encore fait alors? Non, non. Ah bah, non. Ce sera pour la prochaine fois, vous aimez bien cette région puisque ce n'est pas la première fois que vous y allez. Tout à fait, oui. Et oui, vous étiez sur quelle ville exactement, pour ceux qui connaissent la Charente-Maritime? Saint-Jean-d'Angély. Ah, c'est sympa ça, à côté de La Rochelle. Non, c'est pas très loin de Royan. D'accord, ben voilà, c'est dans le coin en tout cas, il y a plein de choses à faire. On mange bien dans la région aussi. Hein. Aussi, oui. Beaucoup fruits de mer, tout ce qui est poisson. Ah ben disons qu'ils sont frais là, ils sont pêchés juste à côté. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Daniel, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour pour les 10 dernières minutes de route alors. Et puis on se dit à bientôt. Et puis le boulot demain. Ah oui, vous faites quoi? Vous reprenez quoi comme boulot demain? Je suis infirmière. Ah ben, courage à vous demain, vous attaquez directement alors. Horaire du matin, de journée, de soir? Le matin. Ah ben directement, donc au lit pas trop tard ce soir Daniel. Hein, voilà. Je viendrai vérifier. Bonne soirée Daniel. Merci. À bientôt. Il est 17h35, on continue tout au long de cette soirée à faire le tour de vos messages. Qu'est-ce que vous faites en ce 15 août 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Connexion avec François Zelensky à Rio, c'est juste après ça. Avec la carte Cora et le bon du Folder, jusqu'à 20% de remise au rayon papeterie. Une vraie leçon d'économie. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Vabona, votre arme contre les insectes. Le village de Charneux vous invite à sa garden party. Ce dimanche après-midi, profitez du plaisir de vous retrouver au milieu de plein d'animations. Danse du lion, trial biker, grande illusion, attraction gonflable et formation musicale. Simple spectateur ou participant actif, venez goûter à la sauce charneutoise. Programme complet de la fête sur jeunessecharneux.be. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Direction le sud de la France. Avec le tour opérateur Lagrange, nous vous emmenons séjourner en famille au bord de la Méditerranée. À Narbonne-Plage, dans l'Aude, à la résidence, la baie des Oliviers. De là, vous partirez à la découverte des vignobles, du canal du Midi ou encore des cités historiques de Narbonne et Carcassonne. La grande évasion avec Philippe Jauniaux et Aurore Salzano. Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Cactus, enfant de cœur, les meilleurs moments du 8-9. Quand je pense que sur certaines radios du service public, on nous reproche de ne pas avoir de fonds et de nous adresser au baraque. De c'est vous qui le dites, d'on n'est pas des pigeons, de la vie du bon côté, du 5 à 7. J'ai un petit œil de Moscou. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Et en large dans le journal de 6h. Vivacité matin, dès 4h30, avec Karine Bresse. Le matin, c'est malin. Mais il faut s'en aller quand il le faut. 5 secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité. Les Jeux Olympiques de Rio en direct. Et on va retrouver François Zelensky en direct de la Marina à Rio. Bonsoir François. Bon dia Cyril, vous allez bien? Bah ça va super bien et vous? Ben, ça va, mais je vais vous contredire parce que je vous écoutais déjà il y a quelques minutes et vous pensiez qu'il ne faisait pas beau ici parce que c'est l'hiver. C'est vrai que c'est l'hiver. Parfois il fait pas très beau, parfois il fait très chaud, mais parfois il fait pas beau. On a vu les images. C'est vrai, mais aujourd'hui c'est plein soleil et c'est grand ciel bleu. Il fait 31 degrés, tout va bien là ici. Ben, chez nous aussi, tralalala l'air, on s'en fout. François, donc vous êtes là au milieu de la marina, vous êtes au milieu des mouettes, c'est ça? Il n'y en a pas tellement, parce que c'est peut-être à cause des hélicoptères, hein, parce qu'il y a deux hélicoptères qui tournent ici au-dessus de la baie de Guanabara, parce qu'ils espèrent tourner les images pour suivre la course à la médaille d'Evy Vanacker dans quelques instants, mais elle a été reportée, postposée plus exactement, à cause du vent qui est un petit peu trop fort, donc il fait beau, mais il y a semble-t-il un petit peu trop de vent pour naviguer dans des conditions optimales. Personnellement, il nous fait du bien ce petit vent à l'ombre là maintenant, parce qu'il fait vachement chaud, donc non, il n'y a pas de mouette, mais j'ai la vue. Hein. Moi, Cyril, je ne suis pas sûr que ça, vous allez pouvoir rivaliser, parce que à ma gauche, la plage d'Ipanema, à ma droite, Copacabana, en face, le pain de sucre, derrière, le Christ Rédempteur. Ah bah, vous avez mieux? À ma gauche, un logo de Vivacité, à ma droite, une vitre, donc, qui donne sur la régie avec toute l'équipe. Donc, y a pire comme vue, je ne vais pas vous mentir, Mais voilà, j'ai pas votre vue, ça c'est vrai. François, comment ça se passe une course de voile? Parce que j'ai l'impression que ça fait des jours et des jours qu'on parle de Viv Vanacker qui est sur son bateau. Mais comment ça se passe? Ça s'arrête jamais cette épreuve? Non, c'est vrai que c'est une épreuve qui est assez longue, en tous les cas dans son format olympique, parce qu'ici, il y a 10 régates en fait qui sont réparties sur 5 journées, si vous voulez. Donc on dispute 2 régates par jour, et Viv Vanacker a donc disputé 10 régates jusqu'ici. Le but, c'est de se classer dans les 10 premières à l'issue de ces 10 régates pour pouvoir disputer la course d'aujourd'hui, qui est la plus importante. C'est la course à la médaille. Elles ne sont que 10 à prendre l'eau donc aujourd'hui. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, elles vont prendre l'eau. Tout en même temps, elles vont partir entre deux zodiacs. C'est le zodiac qui va se placer pour que les bateaux soient dans la bonne direction en fonction du vent. Une fois que le drapeau se lève, c'est parti. Les concurrentes s'élancent. Et alors, elles vont devoir faire des tours, si vous voulez, en tournant autour de bouées qui ont été placées par les organisateurs dans la baie de Guanabara. Et elles ont donc un périmètre pour tourner autour de ces bouées. C'est ça qui est compliqué pour elles, parce que si elles ne tournent pas dans le périmètre, ben, elles vont être pénalisées, les régatières. Et donc, c'est compliqué. Et puis, c'est spectaculaire aussi parce que les bateaux peuvent s'entrecroiser, se couper la route l'un à l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce sport, il y a pas mal de réclamations. C'est assez particulier. On ne voit pas ça souvent dans le sport, les réclamations. Mais ici, ça fait partie de la voile. C'est-à-dire que si on estime qu'un bateau nous a gênés, qu'il est entré dans notre ligne de route, eh bien, on peut porter réclamation. Et en général, tout ça se fait après, sauf pour la course à la médaille ici, où on a établi un empowerment, comme ils appellent ça ici, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui vont juger en direct les éventuelles fautes. Et si on estime que vous êtes à pénaliser, ben vous allez devoir faire un petit tour de plus, un 360 ou un 720. Ok, bah comme ça on sait tout. Est-ce que c'est tout est visible depuis là où vous êtes, ou en tant que journaliste vous êtes obligé de vous reposer sur les images des hélicoptères? Bah effectivement, je vais pas pouvoir suivre tout ça en live. Là maintenant, je me situe vraiment dans la marina où je suis devant les bateaux, c'est-à-dire dans le port de plaisance où on est en train de mettre les bateaux à l'eau. On entend les premières mouettes, les hélicoptères viennent de partir, donc elles arrivent les mouettes. Donc là, on est en train de mettre les bateaux à l'eau. Après, on essaiera de trouver un point de vue sympa pour pouvoir regarder, mais ceux qui suivent la course, qui sont donc dans l'encadrement des Viv Vanacker, ils ont des jumelles super perfectionnées pour pouvoir suivre tout ça. Nous, malheureusement, on risque de la suivre à la télé un petit peu comme vous. Ah bah écoutez, heureusement il y a la 2 pour suivre tout ça, et puis on vous tient au courant aussi sur Vivacité, bien sûr. Niveau repas, du coup, vous mangez du poisson ce soir? Ah bah peut-être, je ne sais pas, ça évolue tous les jours. On a un grand buffet là au Metz. Pour tout vous dire, on a peut-être l'intention, pour la première fois depuis le début des Jeux, de sortir du site olympique pour aller manger quelque chose d'un peu plus typique, une churrascaria. Vous avez déjà vu ça peut-être, ils arrivent avec des grandes épées, avec plein de morceaux de viande dessus. Ah oui, oui, oui. Directement dans l'assiette. Voilà. C'est très très bon ça. Ça va être sympa, je pense. Ah ouais, vous allez vous régaler. On espère quand même, avant ça, Cyril, que Viv Vanacker va nous rapporter la médaille. Ben oui, alors. Elle est quatrième avant la course. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle l'ait? Parce qu'on a entendu qu'elle était peut-être été contaminée par une bactérie dans l'eau, là. Effectivement, bactérie sans doute due à la pollution de la baie. C'est vrai que Viv Vanacker a pris le parti de venir depuis plusieurs mois ici à Rio pour maîtriser vraiment à la perfection les eaux. Je pense que c'est dans les concurrentes celle qui connaît le mieux les eaux de la baie ici. Malheureusement, elle a été effectivement contaminée. Elle s'est sentie un petit peu mal, comme une grosse gastro-entérite, si vous voulez, la semaine dernière. Du coup, elle est passée un peu à travers 2 à 3 régates, ce qui lui a fait perdre pas mal de place au classement. Mais heureusement, c'est passé. Elle a pu se reclasser en ordre utile. La médaille d'or, on n'en parle plus. Mathématiquement, c'est pas possible. Par contre, il y a encore une chance pour l'argent, ou plus probablement le bronze. Mais pour ça, Evi Vanacker doit se classer 5 places devant l'Irlandaise Murphy, qui est 3e, ou alors 6 places devant la Danoise Rindam. Ça va quand même être compliqué quand on sait qu'il y a 10 bateaux seulement à l'eau aujourd'hui, mais tout est possible avec les pénalités, tout ça. En tout cas, on y croit. Elle a le tempérament, elle a l'expérience, et puis elle a quand même déjà fait une médaille aussi il y a 4 ans à Londres, donc elle sait ce qu'il faut faire pour aller la chercher. Eh ben, on suivra tout ça grâce, entre autres, à vous, François. Merci beaucoup, et on vous retrouve tout à l'heure dans le Journal des Sports. À tout à l'heure, François. À tout à l'heure. 17h, 19h, 5 à 7. Toujours à propos des Jeux Olympiques, vous avez peut-être déjà vu ces images, les sportifs, les sportives qui tiennent les médailles dans les dents. Voilà, elles serrent la médaille comme si elles voulaient croquer leur médaille. Alors il y a une explication qui est celle simplement des photographes qui aiment bien avoir le visage en plan serré avec la médaille. On pourrait très bien mettre la médaille juste à côté. Et puis il y a une explication plus psychologique. On va s'y intéresser tout de suite d'ailleurs avec mon invité ce soir dans le 5 à 7, Philippe Godin. Vous êtes professeur à l'UCL, psychologue du sport. Bonsoir Philippe. Est-ce que vous êtes là, Philippe, une fois? Moi, je vous entends très bien. Ben aussi, maintenant, je vous entends très bien. C'est, ça tombe bien. On va pouvoir se parler. Alors, merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Pourquoi est-ce que les sportifs aiment bien mordre leur médaille? C'est une question de goût, ça a bon goût? Non. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs explications qui tiennent ensemble. La première qui me vient à l'esprit, c'est d'abord, je mords dedans pour m'assurer que c'est bien vrai, quoi. Genre, mon rêve est devenu une réalité. Et forcément, si je mords dedans, ben oui, c'est dur. Et si ça fait mal aux dents, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Donc, quelque part aussi, ça symbolise tous les efforts que j'ai réalisés pendant des années et des années pour obtenir ce fameux Graal. Une autre raison, ça pourrait être quoi? Alors, une deuxième raison, ça pourrait être aussi, je vais incorporer, j'aime bien le mot... On vous a perdu, Philippe. Que ça fasse vraiment partie de moi. C'est mon truc, c'est mon projet, j'y suis arrivé, j'ai obtenu ça, et maintenant ça fait partie de mes tripes, ça fait partie de mes gènes. Philippe ? Ça va vraiment... On a juste un petit problème de standard, Philippe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite page de pub. Et on revient chez vous dans un instant, juste le temps de résoudre le problème qui fait que ça coupe à peu près toutes les deux secondes quand vous parlez, c'est assez compliqué. On revient d'accord. Juste après ça, bougez pas. Sur la une. Qu'est-ce qui t'a rangé ça? C'est moi encore. C'est toi la bonne. Non, il n'y a pas de bonne ici. Une femme d'intérieur désespérée cherche un sens à son existence. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, mon chou, comme travail? J'étais prof, mais j'ai arrêté. La vie domestique avec Emmanuel DeVos, lundi soir sur la une. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Juste avant de faire un point sur vos messages à propos de ce que vous faites en ce jour férié, on est le 15 août là, qu'est-ce que vous avez comme occupation cet après-midi? 3063 par SMS pour me le dire et puis sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Juste avant de faire un point sur ces messages, on va tenter de retrouver l'invité de ce 5 à 7 avec un réseau un peu compliqué ce soir, c'est Philippe Godin. Philippe, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Moi, je vous entends très bien. Parfait. Bon, on va essayer de vous entendre vous aussi. On va tendre l'oreille. Vous aviez fait le tour de deux raisons pour lesquelles les sportifs mordaient leur médaille après une victoire aux Jeux Olympiques. Voilà, on était sur la deuxième raison. La deuxième raison, c'est vraiment incorporer. Quand je reviens du latin, c'est mettre dans mon corps, in mon corps. Donc, cette médaille, je la mange. Et elle fait vraiment partie de moi. Elle fait partie de mes gènes. Elle fait partie de mon projet et aujourd'hui, je suis avec elle. Donc le fait de la manger ou de montrer que je peux la manger, ça pourrait être aussi une interprétation. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement? C'est-à-dire que si n'importe qui gagne, il va avoir cette envie de mordre sa médaille? Ou bien c'est plus parce que un l'a fait un jour et que du coup, tous le font aujourd'hui? Alors effectivement, on pourrait envisager une troisième explication qui est plutôt imitation. Il y a sans doute un jour ou l'autre quelqu'un qui a eu l'idée de le faire et donc ça devient une sorte de comportement mimétique qui est joli à voir, qui est symbolique, qui est à la fois amitieux et en même temps porteur de signification. Donc oui, on peut aussi ajouter « je fais comme tout le monde » qui a une médaille et on est quand même peu à en avoir, on est quand même... Quelques experts qui peuvent se permettre ce genre de plaisir. Ça c'est vrai, effectivement on n'a pas eu la chance tous de mordre une médaille olympique. Je sais pas si c'est un bon goût, mais ça doit faire mal aux dents quand même. Oui tout à fait, mais plus ça fait mal, plus c'est vrai. D'accord, donc on verra s'il y a des sportifs sans dents, c'est qu'ils ont vraiment voulu croire jusqu'au bout et vérifier jusqu'au bout que c'était une vraie victoire. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous en prie, au revoir. Bonne soirée, il est 17h48. Merci, on va prendre la direction de Malampré tout de suite. À la cool, on est bien, petite musique de vacances pour accueillir Philippe qui est là. Bonsoir Philippe. C'est pas Philippe, c'est pas Philippe. Ah ben Marina, soyez bienvenue. Sabrina, vous êtes la femme de Philippe? Oui, c'est ça. Ah, alors Philippe nous a envoyé un message justement, parce que c'est votre anniversaire, c'est ça? Oui. Vous avez, on peut le dire ou pas? Oui, on peut, il n'y a pas de secret. Vous avez 40 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Merci. Alors, vous avez prévu une petite fête ou Philippe a prévu une petite fête pour vous? J'ai eu une fête surprise hier, oui. Ah, ça c'est sympa. Il y a eu quoi alors? Quand j'ai une surprise avec toute la famille. Ah, c'est sympa, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait les gens que vous n'aimiez pas qui étaient là aussi? Pardon? Est-ce qu'il y avait aussi des gens que vous n'aimiez pas à votre fête surprise? Non, c'est ça, ça peut arriver. Ah, non mais ça peut arriver parfois. Faites surprise et puis là on se retrouve avec ah ben celui-là, c'est exactement celui que je voulais pas voir. Ça peut, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Et, non. Aujourd'hui alors c'est une journée qui a servi à récupérer de la fête surprise d'hier. Voilà, un petit peu, oui. Ah bah de temps en temps c'est bien aussi. Hein, il faut pouvoir décompresser. Et vous êtes en vacances en ce moment ou vous bossez à partir de demain, Sabrina? Non, je suis en congé. Ah bah profitez-en bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous bien pour la suite de votre anniversaire. Je vous souhaite encore ça. Un excellent anniversaire en tout cas. Bonne soirée Sabrina, à bientôt. Merci, au revoir. À 17h50, on va retrouver tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. Pendant tout l'été, c'est le best-of, les meilleurs moments. Tout ce que vous avez adoré pendant la saison dans le 8-9. Eh bien, on réécoute ça avant le retour de Jérôme de Warzé et toute l'équipe lundi prochain sur Vivacité. Voici le cactus de ce matin. Jérôme, c'est une grande première en Belgique, une de plus. La région bruxelloise a l'intention de faire intégrer le suivi des cours de premiers secours dans l'apprentissage théorique du permis de conduire. Oui, parfaitement Benjamin. Désormais, pour décrocher le permis de conduire en région bruxelloise, il faudra donc d'abord réussir son examen de secourisme, ensuite réussir son examen théorique, ensuite satisfaire aux fameux tests de la vue. voilà. Les fameuses normes Salah d'Eslam, hein, cette énorme pile en face des yeux, mais il y en a encore qui parvient à regarder à côté. Suivre ensuite des cours de pratique en auto-école ou opter pour la filière libre et se brouiller définitivement avec ses parents ou son conjoint. Partant du principe avéré, lors de l'apprentissage à la conduite, qu'un papa ou qu'un mari préférera toujours la carrosserie de son véhicule à son gamin ou à sa femme. Et, c'est vrai. Et bien sûr. Et in fine, réussir l'examen pratique et décrocher le fameux sésame. Tout cela sans jamais pouvoir résoudre un problème, soit en couchant, soit en donnant de l'argent dans une enveloppe. En tant qu'ancien instructeur, je peux vous jurer que je n'ai jamais couché. Sauf quand c'est moi qui donnais de l'argent. Enfin bon. Cet examen de premier secours est, selon Bianca de Batz, la secrétaire bruxelloise, ayant dans ses compétences, outre la sécurité routière, l'informatique et le bien-être animal, ce qui est assez cohérent. L'informatique et le bien-être animal, sans doute pour veiller au confort des souris. Bon, l'informatique, c'est fin. La sécurité routière et le bien-être animal sont intimement liés. Vous circulez à grande vitesse, sécurité routière, en utilisant votre smartphone informatique, vous écrasez par mégarde le prince Laurent qui promène son poulpe, bien-être animal. Le prince Laurent qui promène son poulpe, bien-être animal. Après, pour le poulpe, on verra. Si, enfin, s'il y a constat, il faut des pieuvres. Cet examen serait, selon elle, un prérequis donnant accès à l'examen théorique. Nous assistons donc encore une fois ici, au niveau du vocabulaire utilisé, à une milquetisation de l'appareil d'État. Fameuse expression du « pourquoi faire compliqué quand on peut faire indéchiffrable ». Je vous rappelle quand même que ce sont ceux-là qui avaient édicté une loi prônant une formation accélérée obligeant les gens à rouler moins vite. Bien sûr, avant de se pencher sur l'examen, il serait de bon ton de s'interroger sur le bien fondé d'un examen de conduite automobile dans une capitale Bruxelles où la moitié de la ville est piétonne et l'autre hors service à cause de ses tunnels fermés. Cet examen ne prévaudra donc que pour former ceux qui viendraient en aide aux automobilistes qui marchent des kilomètres pour retrouver leur voiture sur des parkings qui n'existent pas. Alors, quelles seront les matières de premier secours à maîtriser pour décrocher son prérequis? L'éthique intervient ici, fort à propos. Vous circulez à Molenbeek et devant vous, un djihadiste fait un infarctus. Que faites-vous? Rire, non. Non, mais non. Que faites-vous? J'attends les propositions de réponse. Statistiquement, à Molenbeek, ça va arriver. Bon, alors, forçons notre imagination. Cet homme n'est pas djihadiste. À Molenbeek, il faut au pont forcément. Il sort de chez lui, il n'a ni bagage, ni Kalachnikov entre ses mains, mais surtout, il a son propre nom sur sa sonnette. Il n'est donc pas dangereux. Cet homme s'écroule terrassé, il appelle à l'aide. Attention, quelle est la méthode à adopter? Petit A, j'appelle le 112, mais pas en roulant, c'est interdit. Petit B, j'appelle l'armée. Oui, bah oui, toujours. Le petit B, d'ailleurs, remplacera très bientôt la plupart des numéros d'urgence. Une crise cardiaque, un problème de chauffage, une serrure récalcitrante, une pizza 4 saisons, on appelle l'armée. Enfin non, à Molenbeek, pas pour les pizzas. L'antiterrorisme est déjà sur écoute. Donc. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils repèrent les terroristes. Petit C, je m'enfile rapidement les 4 premières saisons de Grey's Anatomy afin d'acquérir les réflexes salvateurs, surtout en ce qui concerne le bouche-à-bouche et l'art de sortir un patient du coma par la technique dite de la chicha, c'est-à-dire une bonne pipe et dès que ça fume, c'est que ça commence à aller mieux. Enfin, docteur. Moi, je l'ai dit dans l'interview dans le soir d'hier, mais limite, c'est la loi. Je oui, ne vois vrai. Aucun substitut du procureur dans le couloir, je poursuis. Petit D, on l'achève sur place, on est à Molenbeek, ne prenons aucun risque. Voilà. Donc je viens, et en 4 minutes, de démonter le mal fondé de cette loi. Pas mal quand on sait qu'il aura fallu 7 ans pour la pondre. Écoutez, j'entends les parlementaires crier merci au loin. Je les entends également. Oui, merci, monsieur merci, Duarte. Enfin. Bon, les parlementaires, c'est à revoir sur la page Facebook du 8-9 et c'est à votre disposition gratuitement. Nouveau best-of demain dans l'émission, soyez là, et puis dans le 8-9 aussi. 17h55, avant de tout savoir sur la météo, Dominique, vous êtes là pour nous parler de quelque chose de très intéressant, parce qu'on est en plein week-end de 3 jours, et c'est à ce sujet-là justement. Et c'est quelque chose de fondamental même. Ça fait du bien. Je vous donne 3 raisons pour lesquelles chaque week-end devrait durer 3 jours. Écoutez bien tous les boss, que ce soit de la RTBF, de toutes les autres sociétés, écoutez bien ce message, c'est important. Parce que, effectivement, à noter 3 raisons. Vous pourrez voir ça sur le site de l'Huffington Post. Première raison, eh bien, tout simple, pour pouvoir s'organiser de petites vacances tout au long de l'année, parce que ça peut préserver le bien-être de l'employé. Prendre des petites vacances, donc moins longues, plus courtes, mais plus souvent, ça pourrait même être la clé du bonheur au travail. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que le message passe le surligner. Chez tous les boss, ça. Hein. Donc, surtout si on le fait régulièrement, selon une étude américaine, les employés ayant pris des congés 3, 4, 5 jours, comme ça régulièrement pendant l'année, ont vu leur santé, leur bien-être s'améliorer. L'idéal, un week-end prolongé qui débute le vendredi et s'achève le lundi. Parfait. Deuxième bonne raison, travailler trop peut être néfaste pour la santé. Donc si vous êtes aujourd'hui au boulot, eh bien, vous n'êtes problème peut-être de santé. Pas très, très bien physiquement, parce qu'être coincé au bureau pendant un week-end prolongé, ben, votre corps, il n'aime pas. Il c'est vrai ça Selon une autre étude américaine, sur des sujets américains qui travaillent plus de 55 heures par semaine, ils ont plus de chances de faire une attaque, plus de chances de développer une maladie type cardiovasculaire que ceux qui font les 40 heures réglementaires. Donc... attention. On va se dépêcher de rentrer dès qu'on a fini, puisque ça peut être néfaste. Et puis la troisième raison, c'est qu'une semaine de travail plus courte, c'est bénéfique aux adultes, mais aussi aux élèves. Donc on pourrait appliquer ce modèle-là aussi, et on en a déjà parlé, c'est parfois dans l'air cette idée, aux enfants, les élèves du primaire, 4 jours par semaine à l'école, ça pourrait être très bien aussi. Selon une troisième étude américaine, ça pourrait être bien aussi pour leur développement intellectuel, etc., d'accord, pour l'assimilation des matières. Donc, congé prolongé, week-end prolongé, essentiel au bonheur, très bon pour l'apprentissage et bon pour la santé. Moi, voilà 3 arguments pour négocier avec les boss, là. A priori, la négociation, avec 3 arguments pareils, la négociation, elle est déjà faite. Donc, on peut espérer que vous ayez plus de semaines de 4 jours cette année. Je garde l'article. On peut rêver, en tout cas. On va le transmettre. Merci, Dominique. Juste avant de faire un point sur la météo, on va partir à Visée chez Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Oui, bonsoir à toute votre équipe et à tous les auditeurs. Eh ben, bonsoir, Sylvie. Bienvenue sur Vivacité. Sylvie, si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu une activité très importante aujourd'hui, en ce 15 août. Vous êtes restée dans votre jardin. Voilà, c'est ça. En fait, je triche un petit peu, c'était surtout hier. Ah. J'ai fait une magnifique journée où j'ai accueilli, et je voulais rebondir sur le petit sujet dont vous venez de parler. Alors venez rouler au Ravel, et ça va vous faire des petites vacances pendant toute la période d'été. Moi, je l'ai fait tous depuis 20 ans. Ouais. C'est une ambiance du tonnerre. Et hier, j'ai fait une journée merveilleuse dans les plantations de poiriers de mon compagnon, avec des amis comme Nathalie Jean-Motte, Sylvie Honoré, Francis Hubin. On a passé un moment exceptionnel. Voilà, je voulais vous remercier. Et franchement... Et l'équipe du 5 à 7, vous ne l'invitez pas ? Ah ben ça va venir, hein. Ah ben d'accord, alors, parce que... vous présenter, quand moi je viens vous dire bonjour, là, aux petites barrières VIP, faudrait vous montrer qui vous êtes, hein, comme ça je vous invite. Eh ben, on fera ça. Le tout, c'est de m'avoir sur une étape du Ravel. Vous savez que le vélo et moi, on n'est pas potes. Mais vous êtes peut-être là quand même pour boire un verre ou... Eh ben exact. Figurez-vous que je pense aller à Arlon. C'est à Arlon, samedi. Je compte aller faire un tour du côté d'Arlon. Voilà, comme ça vous savez tout sur mon planning. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, Sylvie. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Si vous aussi vous voulez nous parler de ce que vous avez fait pendant ce week-end ou comment vous occupez ce lundi 15 août, vous m'envoyez un petit message au 3063 ou vous connectez sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Juste après le journal de 18h, on parlera des Pokémon et ils sont encore dans l'actu, les Pokémon. Alors pourquoi ? Eh bien parce que il y a des no-go zones pour les chasseurs de Pokémon et on peut faire une demande pour avoir une no-go zone autour de chez soi. On y revient avec Frédéric Solvel qui est le monsieur réseaux sociaux de la radio et donc quand on travaille sur les réseaux sociaux on passe sa journée à chasser le Pokémon sur Pokémon Go. Frédéric sera avec nous dans quelques minutes. Vapona, votre arme contre les insectes. J'ai toujours l'impression qu'il y a vraiment un insecte qui est rentré dans ce studio depuis qu'elle s'occupe. Dominique, la météo, ça dit quoi ? Mais vous pourrez profiter de votre jardin encore un peu plus tard ce soir, dans une ambiance calme et sereine et des températures comprises entre 10 et 13 degrés. Demain matin, on profitera de larges éclaircies. La journée s'annonce d'ailleurs très ensoleillée. Côté température, 21 à 26 degrés. Mercredi, très belle journée aussi en perspective. Le soleil va dominer dès le matin. Température 21-26 degrés. Donc on peut vraiment s'en contenter parce qu'une dégradation s'annonce pour jeudi. Ah, ça c'est pas bien. On en reparlera. On va pas ouais, gâcher bah, ou pas, ou pas, ouais, on va s'intéresser à la météo jusqu'à mercredi uniquement. Merci Dominique. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio le Mag. Tous les jours à 14h sur la 2. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Les festivités du 15 août battent leur plein à Liège. Le traditionnel cortège est en train de se terminer. Ambiance dans un instant. L'armée belge recherche un aumônier pour ses soldats musulmans. C'est une information RTBF. Mais avant de le nommer, une analyse pointue devra être menée. Les détails dans ce journal. Peut-on attendre une cinquième médaille belge aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Rio ? Tous les regards sont tournés vers Evy Vanacker en voile. Christophe Durand vous en parle dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. À Liège, la fête et le péquet qui coule à flot. Beau temps oblige, plusieurs milliers de personnes ont envahi le quartier de la République libre d'Outremeuse. Le traditionnel cortège folklorique se termine doucement avec ses géants et ses fanfares. Parmi les spectateurs, il y a ceux qui découvrent, ceux qui redécouvrent et ceux qui viennent tous les ans, depuis toujours ou presque. Je m'appelle Colette. Alors, toutes les années, je viens ici. Ça vous rappelle des souvenirs, en fait, de venir ici ? Oui, ça me rappelle, pardon, beaucoup de souvenirs. Je suis liégeois, je suis né à Liège et j'ai toujours vécu à Liège. Vous venez tous les ans ici ? Ah non, c'est la première fois, en fait. C'est la première fois que j'ai le temps de venir. Donc là, vous avez votre fils sur les épaules et vous avez voulu découvrir ça avec lui, finalement. Voilà, exactement. Bah, j'ai voulu le découvrir et j'ai voulu lui faire découvrir aussi. Ça fait partie du patrimoine de la vie, de la ville, ça fait partie du folklore. Ça me paraissait très important qu'il voie ça. Alors, nous sommes les porteurs des géants de la province de Liège, en fait. Voilà, donc Saint-Chien, Nanès, Charlemagne, Consol-le-Marais, on a 10 géants. On entre dedans par l'arrière, il fait un peu chaud dedans. On va dire Saint-Chien, Nanès, ça fait à peu près 45 kilos. Chantier, c'est un peu la star de ce cortège. Chantier est la star du quartier. Chantier est né ici, c'est notre quartier, c'est Chantier. Des interviews réalisées par Barbara Schall et Vincent Brichet. Notons que l'incontournable Chantier vient d'être élevé au rang d'officier du mérite wallon par les autorités régionales. Les festivités à Liège sont accompagnées de mesures de sécurité particulières. Si vous souhaitez aller faire la fête, attendez-vous à être fouillé. Ne prenez pas non plus de sac à dos, ils sont interdits cette année. À Charleroi, par contre, pas de mesures de sécurité supplémentaires pour entourer la foire. Elle a commencé il y a une semaine, mais l'attaque des deux policières devant l'hôtel de police de Charleroi laisse des traces. Les habitants de la ville, épargnés jusque-là par les attentats, ont mal vécu l'attaque. Arnaud Pilet est allé prendre la température sur la foire. On vient souvent pour les pièces, c'est déjà la troisième fois que je viens. Tire-pipe ou jeu des pièces, Lucas adore venir chaque année à la foire, mais à ses côtés, sa maman Anouk n'est pas très à l'aise. L'attaque à l'hôtel de police, il y a une semaine, l'a fortement marqué. On y pense, oui. On ne sait pas faire autrement. Hein. Je regarde plus les gens autour de moi. Quand on va jouer, je me mets dans un endroit où je pourrais me cacher au cas où. Oui, on fait attention. En fait, c'est toute la foire qui subit les conséquences de l'attaque. La fréquentation est en baisse depuis quelques années, mais cette année est encore moins bonne. Le toboggan d'Estelle reste désespérément vide. Avec tout ce qu'il y a eu, les gens ont peur de sortir, donc il n'y a plus personne. Ils n'osent plus faire sortir leurs enfants. Il n'y a que dans les autres villes que ça va un peu mieux, mais ici, il n'y a vraiment plus rien. À quelques dizaines de mètres de là, Nathalie de Koning vend crevettes et escargots. Elle se veut de son côté plus positive. On a un petit peu peur, comme tout le monde, mais on a une bonne assistance de police. On voit quand même des militaires assez souvent et régulièrement qui se promènent à pied. Et on a quand même pas mal de voitures qui patrouillent sur la foire. Ça va. La police n'a pas renforcé sa présence sur la foire. Le niveau de la menace, toujours fixé à 3, amène par définition une sécurité renforcée sur ce type d'événement. Au maximum des capacités. C'est une information RTBF. L'armée belge recherche un aumônier pour ses soldats musulmans. Le précédent aumônier, qui était en poste depuis environ 10 ans, a quitté la fonction en janvier. Depuis, la place est toujours vacante. Mais avant de nommer la bonne personne, une analyse pointue doit être menée par l'état-major et le ministre de la Défense, Steven Van de Put. Il faut dire que le contexte de menace terroriste islamiste n'aide pas Karim Fadoul. Au sein de l'armée, il existe des aumôniers pour presque chaque culte ou philosophie reconnue. Le culte catholique compte par exemple 11 aumôniers, le culte israélite 1, la morale laïque 6. Il manque donc aujourd'hui un aumônier pour les militaires de confession musulmane. Mais on l'a dit, le contexte n'aide pas. Tout d'abord, il y a la menace terroriste avec, souvenons-nous, l'annonce par le ministre de la Défense d'une surveillance de 60 militaires belges musulmans présentant des signes de radicalisation. Aucun n'a été sanctionné ou écarté, mais cela a été suffisant pour instiller une suspicion malsaine. Ensuite, le rôle même de l'aumônier, qu'il soit catholique, juif ou musulman, est remis en question par certains au sein même de la Défense. Selon eux, l'armée doit afficher une neutralité totale. Mais pour le porte-parole de la Défense, pas question de supprimer cette fonction. Elle est très utile, dit-il. Elle permet à des hommes en mission, éloignés de leur famille, de pouvoir se confier à quelqu'un en toute confiance. En tout cas, le nouvel aumônier musulman doit être un officier actif au sein de l'armée, mais il peut aussi s'agir d'un officier de réserve. Il devrait être nommé avant la fin de l'année. Les explications de Karim Fadoul. Dans l'actualité internationale, la Turquie lance un nouvel ultimatum à l'Union européenne. Si l'Union n'autorise pas les Turcs à voyager sans visa d'ici le mois d'octobre, l'accord sur les migrants ne sera plus appliqué. Il avait été conclu au mois de mars pour que la Turquie freine les arrivées de réfugiés dans l'Union européenne. En contrepartie, la Turquie reçoit une aide financière, l'accélération du processus d'adhésion à l'Union et la mise en œuvre anticipée de la libéralisation des visas pour les citoyens turcs. La Turquie menace de tout arrêter si tous les points de l'accord ne sont pas appliqués en même temps. Une nouvelle discipline olympique peut-être dans le futur, ça se passe à Dinan cet après-midi, la régate de baignoire. Une vingtaine d'embarcations, toutes plus improbables les unes que les autres, ont fait la course cet après-midi sur la Meuse. Un thème tout indiqué cette année pour décorer les baignoires flottantes, les Jeux de Rio. François-Louis a assisté aux derniers échauffements des athlètes quelques minutes avant le départ. Avec une pompe à bière à bord, l'équipage d'Yves Sambon ne vise pas le podium cette année. Seule concession au thème olympique, un anneau de basket fixé à l'avant du radeau. Donc voilà, on a créé une nouvelle discipline, le water basket. Embarcadère numéro 2, la famille Aigret, les Borlais de la régate de baignoire. Les parents, les enfants, les cousins, tout le monde est là, aux couleurs de la Belgique et dans le rôle du père entraîneur, Marc Aigret. Donc la chaîne du vélo fait tourner la roue à aube. C'est tout simple, donc c'est un radeau, bien sûr. Il y a une baignoire sur l'avant de l'embarcation. Et ils avancent à la force des mollets et à la force des bras, parce que bien sûr, il faut quand même ramer un petit peu, ça aide toujours. Embarcadère numéro 3, Victor Toussaint, le doyen de la compétition. Il était déjà là il y a 34 ans, lors de la première régate de baignoire de Dinan. À la proue de son embarcation, une statue du Christ, bien connue des cariocas. Ben, on a représenté donc le Christ rédempteur. Donc avec la flamme olympique et les anneaux olympiques. On a quand même un plateau qui fait 6 mètres de long. Il y a 12 feux derrière en dessous. Il faut les faire avancer, rien à faire. C'est du sport. Ah oui, c'est du sport, il faut des gros bras. Vous visez le podium ? Bon, pas spécialement. On le fait ça par plaisir. Aux Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Ah, c'est de participer, voilà. Il y avait des milliers de personnes à Dinan, le beau temps attirait du monde, à la mer aussi. Et vous avez été nombreux à avoir choisi le train pour vous y rendre, 150 000 voyageurs au total durant ce long week-end du 15 août. Merci Justine pour ce journal. D'ailleurs, on vous demande par SMS au 3063 de dire ce que vous avez fait pendant le week-end et ce que vous faites encore aujourd'hui à 18h08 sur la page Facebook, ça marche aussi. facebook.com/5à7 Vivacité, vous avez fait quoi pendant le week-end, Justine? Vous avez crié un petit peu, non? J'ai la voix un peu enrouée, effectivement. Légèrement. C'est quoi? C'est du festival? C'est des festivités du 15 ou des festivités locales. Donc on a fait la fête du côté de chez Justine. Merci beaucoup. Prochain point sur l'actu, c'est dans un instant avec le journal des sports. Avant ça, on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Adrien Demey, il y a un véhicule en panne sur le 40. Oui, c'est en direction de Bruxelles, venant de Liège, à hauteur de Berthem. Ce véhicule s'y trouve en panne. Alors deux voies de circulation sont neutralisées, ce qui provoque ce trafic ralenti en amont à partir d'Everly vers Bruxelles. Vers Bruxelles toujours, mais sur le 411 venant de Namur, entre Champion et Aiguezé, il y a une zone de travaux. Sachez que le trafic s'écoule en accordéon en ce moment entre Baie et Aiguezé vers Bruxelles. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vivacité, le journal des sports. Christophe Durand, bonsoir. 11e jour de compétition aux Jeux Olympiques de Rio et 4 médailles pour la Belgique. Peut-on en attendre une 5e aujourd'hui? Tous les regards sont posés sur Evie Van Acker. Sur place au Brésil, on rejoint Eric Libois. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Evie Van Acker, médaillée de bronze, on le rappelle, en 2012 à Londres, qui a bien remonté le peloton cette semaine après avoir été diminuée à mi-course par un virus. En ce moment même devrait débuter la medal race, la finale à 10 pour l'attribution des médailles. Une finale où les points sont doublés, de sorte de permettre au moins bien classé de garder espoir. Mathématiquement, Van Acker ne peut plus viser la médaille d'or, et si elle veut l'argent ou le bronze, eh bien... elle doit devancer ses concurrentes de 6 places. Ce sera difficile évidemment, mais pas impossible, car aucun bateau n'est constant dans cette épreuve. Et on va écouter la Gantoise. Mijn gevoel zegt dat alles kan gebeuren in Rio. Ik denk dat heel veel mensen mij al een beetje afgeschreven hadden naar de... J'ai 9 points de retard sur la 3e place et 11 sur la 2e. Tout reste possible, alors qu'il y a deux jours, beaucoup m'avaient déjà enterré. J'ai connu deux bonnes journées, alors que mes concurrents ont faibli. Je dois faire avec les suites de mon virus, mais je n'ai plus le choix. La medal race sera plus courte, alors il faudra tout donner. Korte wedstrijd, dus ik ga sowieso alles geven wat ik heb. Voilà, Evie Van Acker et cette medal race qui n'a pas encore débuté, elle devait débuter à 18h. Eh bien, tout cela est reporté pour l'instant à cause d'un manque de vent. On en vient au résultat du jour avant de revenir sur les déboires de la famille Borlée. Des bonnes nouvelles en provenance du cyclisme sur piste. Oui, avec l'entrée en scène cet après-midi de Yolim Door, un réel espoir belge de médaille en course Omnium, la discipline où on retrouve justement Mark Cavendish côté masculin. Door a terminé 3e de la première épreuve. Cet après-midi, le Scratch, la 2e des 6 épreuves, la poursuite, est prévue ce soir à 21h30, heure belge. Yolim Door avait fait 5e aux Jeux Olympiques de Londres et ici, elle veut faire mieux. C'est un heel mooi complexe, alles is op tijd in orde geraakt. Kijk naar uit om le vélodrome ici est magnifique, malgré tous les problèmes à la construction. C'est une piste très rapide, je pense qu'on va battre pas mal le chrono. Il y a 8 candidates à la médaille, mais tout se joue sous les détails. En Omnium, la plus petite faute peut vous être fatale, il est impossible de faire des pronostics. Si je voulais prendre une médaille, eh bien je serais super heureuse. La piste pour moi a autant de crédit que la route. Voilà, et l'autre pistard belge engagé, Jasper De Beust, a déclaré forfait ce matin. Victime d'une infection intestinale, il était 18e et dernier après la première journée. On a maintenant l'explication. On passe maintenant à l'athlétisme où les affaires de la famille Borlée ne s'arrangent pas. Oui, après les frangins, un petit tour et puis s'en va. Olivia Borlée, mais également Cynthia Bolingo, n'ont passé que 24 secondes sur la piste, loin de leur meilleur chrono de la saison. Olivia a terminé 7e de sa série du 200 mètres, remportée par Daphne Skippers, la championne d'Europe, ne devançant que la championne des Maldives. Son chrono, 23 secondes 53 centièmes, le 54e sur 72 concurrentes. Olivia, qui pourtant tente de positiver. Quand on rentre dans le stade, ça reste un moment magique. J'ai vraiment essayé de savourer tout ce que je vis ici depuis le début. C'est vraiment, je suis vraiment très heureuse d'être présente, d'avoir pu monter sur la piste en individuel. C'est une très très belle expérience et voilà, je garderai ça pour toute ma vie. Il va maintenant falloir se focaliser sur d'autres objectifs. La saison n'est pas terminée. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Écoutez, ça va mieux physiquement, donc j'espère pouvoir reprendre un entraînement normal pour bien terminer la fin de saison. Il y a encore quelques compétitions. On va déterminer le programme dans les jours à venir. Voilà, interview de David Bertrand. Cynthia Bolingo, on y vient, elle a fait pire, oui c'est possible, dernière de sa série en 23 secondes 98, 63e chrono sous 72, et ici vraiment impossible de positiver. Mais je suis vraiment incapable d'expliquer comment j'ai pu passer à côté et comment j'ai effectué ainsi mon chrono lors des Jeux et mon pire temps de la saison. J'avais les jambes, le stress ne m'a pas déstabilisée. J'étais dans la course parce que quand j'ai vu la course au ralenti dans le virage, j'étais avec les filles, donc j'étais pas larguée. Celle qui était à ma droite avait un meilleur temps, elle m'a pas rattrapée direct, donc j'ai vraiment dû craquer à la fin, le pourquoi du comment, je sais pas. Je m'étais dit que dans une course tout était possible et que même si je me qualifiais pas pour la demi, qu'au moins alors effectuer un season best et le top du top, ça aurait été un record personnel. Mais même dans mes pires cauchemars, je ne m'étais pas dit que j'allais faire mon pire chrono ici. Voilà, un pire cauchemar. Enfin, élimination de Jeroen Doet sur 3000 mètres steeple qui avait pourtant mené la moitié de la course. Une éclaircie dans cet après-midi, la qualification de Michael Bultel. Oui, pour les demi-finales du 400 mètres et Bultel est le dernier repêché au temps. Il avait terminé 5e de sa série en 49-37. C'est son meilleur chrono 2016. Bravo à lui donc. Et puis cette nuit, peu avant 3h du matin, toujours sur 400 mètres et place à Axel Dowens côté féminin qui, elle, participe à ses premiers JO et savoure le village olympique. Tu vois les autres sports, ça c'est déjà souhaite les nageurs, le judo et tout ça, et oui, je trouve très agréable. Ouais. Les gens se parlent, on échange? Oui, on dit bonjour, comment ça va? Non, mais on parle un peu des compétitions et l'atmosphère ici, et les choses que tu peux faire dans le village et tout ça, c'est très social, ouais. Vous comptez aller voir d'autres sports? Oui, j'espère de regarder le taekwondo, je trouve très chouette, la gymnastique, la natation et tout ça, ouais, un peu tout, ouais. Oui, la gymnastique, elle en parlait. Il y a notamment Denis Gossens qui, ce soir, en Belgique, eh bien, va participer à la finale aux anneaux. Et puis, il en parlait également. Le taekwondo, nous avons de réels espoirs de médailles. Et puis, dernière info pour ce chapitre athlétisme, un record du monde cet après-midi au stade olympique, celui du lancer du marteau féminin, 82,29 m par la Polonaise Anita Wlodarczyk, qui améliore ainsi sa marque précédente de plus d'un mètre. Enfin, en kayak, Eric, contrat rempli pour Arthur Peters. Oui, le kayakiste belge s'est qualifié pour les demi-finales du sprint 1000 mètres, demi-finale dont il a pris finalement l'avant-dernière place. Et puis dernière info de la voile, on a maintenant l'horaire, le départ de la medal race d'Evie Van Acker, eh bien, ne sera pas donné avant 14h heure locale, c'est-à-dire 19h heure belge. Merci beaucoup Eric Libois, envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Rio. Dans le reste de l'actualité en football, Genk a engagé le défenseur international gambien Omar Colley. Le joueur vient du club suédois de Djurgårdens. Il a signé un contrat de 3 ans avec option pour 2 supplémentaires. Colley compte 9 sélections en équipe nationale et est appelé à remplacer Christian Cabasele, parti à Watford en Angleterre et toujours au rayon des transferts. L'attaquant Yannick Bolasi passe de Crystal Palace à Everton. Le Congolais a signé pour 5 ans. L'indemnité de transfert est estimée à environ 29 millions d'euros, de quoi offrir des liquidités à Crystal Palace pour éventuellement recruter Christian Benteke, barré à Liverpool. Et puis, il a récidivé, comme avec l'Union Belge en 2010, Dick Advocaat a cassé son contrat pour pouvoir rejoindre une équipe qui lui faisait de l'œil. Cette fois, c'est la fédération néerlandaise qui en pâtit. Le petit général quitte son poste d'adjoint de l'équipe nationale des Pays-Bas après 3 mois seulement pour rejoindre Fenerbahçe en Turquie. Le sélectionneur national néerlandais Danny Blind s'est dit surpris et déçu par la décision d'Advocaat et on peut comprendre pourquoi. Football toujours, après Bastian Schweinsteiger il y a 15 jours, l'attaquant allemand Lukas Podolski a annoncé sa retraite internationale. Podolski a porté le maillot de la Mannschaft à 129 reprises. Il faisait partie de la génération allemande dorée, championne du monde en 2014. En tennis, David Goffin est toujours 13e au classement ATP. Steve Darcy gagne lui 18 places et passe de la 124e à la 106e position. Chez les dames, Wigmeier et Flipkens progressent toutes les deux. Wigmeier gagne 2 places et est désormais 34e. Flipkens en gagne 1 et est classée 60e joueuse mondiale. Enfin, en bref, en cyclisme, Tony Martin quitte Etix Quick Steps. L'Allemand, triple champion du monde, a signé chez Katusha pour 2 saisons. Le champion des États-Unis, Greg Daniel, rejoint Trek Segafredo. Il a également signé pour 2 ans. Enfin, on commence à y voir plus clair sur les coureurs qui prendront part à la Vuelta. Chez Sky, Christopher Froome sera bien au départ en tant que leader. Le lieutenant de l'équipe britannique sera Michael Miguel Landa. Valverde et Quintana emmèneront quant à eux la formation Movistar sur cette Vuelta qui aura lieu du 20 août au 11 septembre. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Et c'est votre 5 à 7, vous le savez, on parle de vous tous les soirs dans cette émission. Vous me dites ce soir ce que vous faites en ce 15 août, comment vous avez occupé cette journée, est-ce que vous étiez soleil, plage, piscine, barbecue, rien du tout aussi, ou alors travail, il y a ceux qui bossent aussi. Vous me dites ça par SMS au 3063 et sur la page Facebook aussi 5 à 7 via Cité RTBF. On va faire un point sur vos messages dans un instant. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a les Pokémon et les No-Go Zone. Alors vous savez qu'il y a les Pokémon, il y a l'application Pokémon Go, on en parle à peu près tous les jours en ce moment. Et il y a ces fameuses no-go zones qui font leur apparition dans l'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une no-go zone? Les explications arrivent dans deux petites minutes sur Vivacité. On s'intéressera aussi à quelque chose que vous avez peut-être fait en ce 15 août, une randonnée. Sachez que les randonnées sont de plus en plus pratiquées en Belgique. Alors pourquoi et où? On essaiera de le savoir avant 19h, c'est promis. Et on s'intéressera aussi au régime végétalien. Vous savez que c'est assez tendance en ce moment. Alors il peut y avoir des risques sur la santé, mais pour les enfants, est-ce que c'est mauvais? Parce qu'il y a des enfants qui doivent suivre parce que les parents ont décidé que... On verra ça avec un nutritionniste qui sera l'invité de ce 5 à 7 avant 19h sur Vivacité. Mais là, tout de suite, on va parler de ces fameux Pokémon. J'imagine la tête de celui qui chante sur le générique des Pokémon qui doit recevoir des droits de partout en ce moment alors que pendant des années on s'en foutait royalement des Pokémon. Mais tout de suite on va en reparler donc de ces fameux Pokémon et de l'application Pokémon Go avec le spécialiste des réseaux sociaux de Vivacité et donc qui travaille dans les réseaux sociaux utilise l'application Pokémon Go aussi. Frédéric Solvel est là ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Donc vous ne faites pas que tweeter, facebooker, vous chassez également, c'est ça votre travail? Oui, j'ai arrêté Candy Crush pour jouer à Pokémon, c'est obligé, c'est pour le travail. Alors Frédéric, impossible forcément d'y échapper hein, cet été, les chasseurs de Pokémon sont partout, et parfois ils dérangent, et c'est pour ça qu'ils sont dans l'actu aujourd'hui. Ils sont pourtant inoffensifs ces chasseurs, Frédéric. Oui, les chasseurs sont en effet inoffensifs, Cyril, mais parfois et même souvent, ils sont intrusifs, ils ne connaissent plus de limites de sécurité et même d'éthique, et ils sont prêts à tout pour capturer leur petite bestiole favorite. Alors imaginez quelques instants, si votre studio était un Pokéstop, eh bien Cyril, tous les chasseurs montois viendraient faire le plein de Pokéball pendant que vous êtes en direct. Mais ils sont les bienvenus. Alors, c'est ce que je pensais bien. Je ne m'attendais pas à moins de votre part un jour férié. Vous avez besoin d'un peu de compagnie. C'est ça, oui. Sachez qu'en plus, il y a un Pokéstop juste devant la radio. Donc que les gens n'hésitent pas à venir avec un truc à boire. Et on fait un apéro Pokémon. Apéro Pokémon. Par contre, sur des lieux de mémoire comme le camp d'extermination d'Auschwitz, le mémorial d'Hiroshima ou l'ossuaire de la bataille de Verdun, ouais, ben ça le fait un peu moins. Et là, les chasseurs de Pokémon ne sont pas toujours hyper respectueux des lieux et de leur histoire. Morale de l'histoire, ils ne sont plus les bienvenus. Alors, il y a même des pays carrément qui ont interdit la chasse aux Pokémon. Oui, c'est le cas notamment de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Alors, l'Iran a décidé que la géolocalisation du jeu était dangereuse et pouvait être une possibilité d'espionnage et a donc interdit tout simplement Pokémon sur son territoire. C'est étonnant, on est tellement libre dans ces pays-là d'habitude. Oui, mais un autre pays qui peut être libre, hein, les États-Unis, mais c'est aussi interdit en tout cas sur les membres de l'administration du Pentagone, le département américain de la défense, où là c'est carrément interdit de télécharger le jeu sur son smartphone professionnel. Ah oui, on rigole pas non plus là-bas, hein, au pays de l'oncle Sam. Un autre pays, Arabie Saoudite, elle s'est appuyée sur des fatwas et a republié un décret qui assimile le jeu Pokémon à un jeu de hasard et qui donc l'interdit conformément à l'islam. D'accord. Alors, comment est-ce que on peut être dans une zone sans Pokémon? Comment est-ce qu'on peut définir ça? Par exemple, ici, on dirait à la RTBF, hop, c'est une zone sans Pokémon. On peut choisir ça? On peut essayer, en tout cas. À la base, il y a trois zones dans le jeu, des zones qui font apparaître des Pokémon. Il y a les Pokéstops, ces fameux points d'intérêt qui servent aussi de ravitaillement en accessoire pour capturer ou soigner les petites bestioles. Et puis les arènes, les lieux où les dresseurs de Pokémon se font affronter leur bestiole favorite. Alors, au lancement du jeu, la société Niantic a bien dû utiliser une base existante pour créer ses Pokéstops. Ouais. Et c'est donc basé d'une part sur Wikipédia, d'autre part sur une base de données d'un de ses jeux précédents qui était une chasse au trésor dans les villes. et ensuite sur les suggestions des joueurs. Puis bah, il y a eu le succès du jeu, il y a eu de plus en plus de suggestions, et il y a aussi des demandes de retrait de Pokéstop ou d'arène. Mm-hmm. Et là, mais maintenant, Niantic qui doit un peu faire le tri en fonction des justifications. Et à chaque mise à jour du jeu, il y a des nouvelles arènes, des nouveaux Pokéstop qui sont suggérés maintenant par les joueurs. Et alors, la petite astuce commerciale intéressante, admettons Cyril que vous ayez un restaurant ou un commerce, oui, et vous voulez faire venir chez vous les joueurs de Pokémon, vous pouvez acheter des leurres. Ah oui, que vous allez faire croire aux gens qu'il y a des Pokémon chez vous. C'est ce que fait Walibi en ce moment d'ailleurs. C'est ce que fait notamment Walibi, c'est ce qu'a fait Jupiler, c'est ce que vont faire beaucoup de marques dans les prochaines semaines. Et ça peut être plutôt intéressant et plutôt juteux au niveau du business. Et donc pour faire supprimer un Pokéstop malvenu, il faut en faire la demande, on l'a dit. Il faut que cette demande soit fondée, elle va être étudiée et peut-être supprimée. D'accord, donc voilà, c'est pas fait tout de suite, tout de suite. Alors pour l'apparition, pour l'apparition des Pokémon et bestioles en elles-mêmes, ça marche comment? Ça, c'est aussi des gars de Chignanti qui choisissent où ça va? Oui, alors ils choisissent pas vraiment, ils ont fait un algorithme. Donc là, pour modifier, c'est plutôt compliqué. Donc des Pokémon vont toujours apparaître à Auschwitz. Donc ils ont créé un algorithme qui, en fonction des joueurs, de l'attrait, va faire apparaître des Pokémon. Et c'est un algorithme déjà puissant, hein, puisque moi, j'étais l'autre jour au mess de la maison, et comme par hasard, c'est un Rattata, un Pokémon Rattata, donc un rat qui est apparu. Mais l'algorithme peut faire mieux, puisque à ma connaissance, personne n'a encore croisé dans les couloirs de Vivacité le Papillon, le Pokémon Papillon, comme notre logo. Et voilà, si Niantic peut faire quelque chose, un Pokémon papillon au bureau, je demande, j'achète et je valide. D'accord, ben comme ça vous aurez une nouvelle occupation si jamais ce Pokémon sort, c'est de trouver celui-là, puisque là vous en avez beaucoup déjà des Pokémon, vous? Bah, mon Pokéindex se remplit, mais il y a encore du travail. On devrait peut-être faire équipe pour y arriver tous les deux. Bah, je suis pas un bon chasseur, moi. Mais merci Frédéric d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je te souhaite une bonne soirée. Et grâce à vous, on sait donc ce que sont ces fameuses no-go zones de Pokémon qui font leur apparition dans l'actu aujourd'hui. Il est l'heure de savoir ce qu'on va manger peut-être là tout de suite. Vous avez eu un petit creux, bah, on va s'intéresser à Candice Cotter dans un instant et le Dico Food. Mais juste avant, on va aller retrouver Joël. Bonsoir Joël. Ben bonsoir. Bienvenue Joël, vous êtes de Champion. De Champion Ardennes. Ah et c'est bien là-bas, vous avez passé une bonne journée? Ben, c'est-à-dire que je suis allé faire un tour au marché aux oiseaux à Marche. On dit ouais, le marché aux oiseaux, mais il n'y avait plus tellement d'oiseaux. C'était le marché 1900. Et ben on vend quoi alors? Ben il y a, bon, c'est des artisans au travail. D'accord. Des gastronomies locales, comme il y a le Matousset. Et il y avait des animations musicales, du Matousset, donc c'est, je ne sais pas trop, c'est des œufs, mais je ne sais pas ce que c'est le Matousset. Ah, j'ai eu peur quand vous parliez d'animaux et qu'il y avait Matou dedans, je me suis dit c'est une préparation à base de Matou. Non, il y a, donc le Matousset, c'est une recette marchoise. Ouais. Il y avait des oiseaux, il y avait des artisans au travail, de la musique, et c'est-à-dire que ça a été le 50e, et c'était dans les années 60. C'est avec Jean-Claude Menessier qui travaillait à la RTBF, mais je ne sais plus c'est si c'était vrai. La 2 qu'on disait dans, à cette époque-là, la 2, moi je n'ai pas connu, ou c'était Fréquence Wallonie, je ne sais plus. Ouais, ah, ça remonte, hein. Oui, qui avait organisé un jeu, ça s'appelait Ville en fête. Ouais. Et Marche avait été désigné, et devait réaliser 100 exposants, je pense, donc 100 artisans, ouais, pour réussir le DSI. Et ils l'ont réussi. Et depuis lors, il y a toujours eu le Ezo, une animation à Marche. Ah ben ça, c'est une chouette histoire. Merci de nous l'avoir raconté, parce que je suis sûr que peu de gens la connaissent, cette histoire. Grâce à vous, Joël, on en sait un peu plus. Moi, j'ai 52 ans, et bon, j'allais régulièrement à Marche. Et c'était il y a une trentaine d'années que j'y vais régulièrement. Ouais. Et mes parents ont connu Jean-Claude Menessier, qui animait, je crois, à l'RTB, à tout dimanche après-midi, c'était le jeu. Vous ne savez plus le nom du jeu? C'était Ville en fête. Ah, mais c'était ça, c'était Ville en fête. D'accord. Oui, et je crois que c'était lui qui avait organisé, Jean-Claude, l'opération Cap 48. Eh ben merci à lui et merci à vous, Joël, de nous avoir raconté tout ça. Et moi, ça vous souhaite une bonne soirée, alors, avec tout ce que vous avez acheté aujourd'hui au marché, alors. Mais moi, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai été faire un tour. Et en plus, je suis un peu passionné par la photo, donc j'en ai profité d'aller faire quelques photos. Ah ben, vous nous envoyez quelques exemples, alors. Bon, si j'ai l'adresse, ça ne me dérange pas. Ah bah on vous donne l'adresse hors antenne, il n'y a pas de problème. Ça nous fera plaisir de voir ce que vous avez pris comme photo. Comme ça, on aura un petit peu de marche avec nous. Eh bien, c'est bien gentil. Je vous souhaite une bonne soirée, Joël. Merci d'écouter Vivacité. À très bientôt. Au revoir. Voici le Dico Food tout de suite avec Candice Cotter. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Début de semaine, le Dico Food va s'arrêter à la lettre P. On va travailler la patate douce. Alors la patate douce, produit qui est sympa, et la patate douce, ou dans sa version estivale en tout cas, n'est pas une patate douce rôtie ou confite au four ou un accompagnement de gibier, ce qu'elle est formidablement en saison. Mais ici, ce dont on a envie, c'est d'avoir une patate douce qui remplace notre pomme de terre habituelle pour la transcender, mais qui va dans notre petite préparation estivale facile. Donc on va se faire des patates douces farcies, comme on se ferait des binchos ou des pommes de terre de base farcies. Donc une simple pomme de terre, une simple patate douce ici en l'occurrence, cuite, coupée, avec une garniture. Et ce qu'on va se faire, c'est une petite crème de thon. Le thon fonctionne extrêmement bien avec la patate douce, parce que le thon peut avoir un petit, cette accroche au palais, et la patate douce a ce moelleux qui vient contrebalancer le truc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et on va allonger ça au yaourt. Vous allez voir qu'on va avoir une garniture très gourmande, qui vous fait en gros un petit lunch d'été sur le pouce, très facile, très sympa. Avec une salade, vous êtes dans le bon, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous prenez des patates douces, j'en prends 4. Vous frottez les patates douces à l'huile et vous les piquez à la fourchette. Et vous les faites cuire au micro-ondes. On ne s'ennuie pas, on évite l'heure de cuisson au four. 20 minutes au micro-ondes, ce sera largement suffisant. Et vous les coupez en deux dans la longueur et vous placez les morceaux dans un plat intérieur vers le haut. Vous faites revenir de l'oignon, de l'ail dans un petit peu d'huile d'olive. Vous ajoutez, je prends 200 g de thon naturel, donc c'est vraiment une boîte de thon tout bête, juste égoutté. Vous ajoutez votre thon écrasé, un petit peu de yaourt et des zestes de citron vert. Avant d'ajouter de la coriandre, vous pressez encore un petit citron vert sur le thon et vous disposez cette préparation sur les patates douces. Vous mélangez alors le reste de la coriandre au yaourt, sel, poivre, et vous déposez quelques quenelles de yaourt sur les patates douces. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera non seulement extrêmement frais, que vous pouvez faire à l'avance, les patates douces peuvent être même cuites à l'avance jusqu'à un jour avant sans aucun problème, votre garniture de thon pareil, et vous n'avez plus qu'à remplir. C'est très sympa si vous faites aussi un petit pique-nique. Bref, ça vous donne d'autres idées. 5 à 7. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec la RTBF et le loto. Il y a des soirs. T'as fait tes devoirs? Check. Ta chambre est rangée? Oh, check. Allez. Assez ces mails ? Oh oui, double check ! Qui ne changeront jamais. La vaisselle est faite ? Check. Les poubelles sont sorties ? Check. Allez, assez ces mails ? Oh oui, double check. C'est ces mails, à savourer à tout moment, même le soir après une longue journée. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborre. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborre viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborre, je peux simplement vous dire, oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag. Tous les jours à 14h sur la 2. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Spirelli Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelli Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, Trois-Ponts et Verviers. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Bon, et je m'installe où, moi? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, demain, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Il est 18h32, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. Alors il fait chaud aujourd'hui, il fait beau aujourd'hui, mais est-ce que ça va durer Dominique? Ça va durer demain et aussi mercredi, après une nuit tout à fait douce et sereine, 10 à 13 degrés. Demain matin, on va profiter déjà du soleil dans la matinée. On notera peut-être quelques passages nuageux élevés, ça et là, mais ça ne devrait pas perturber ce bel ensoleillement qui va durer toute l'après-midi. Côté température, 21-26 degrés, même température pour mercredi. Belle journée aussi. Le soleil dominera dès le matin. Attention, de dégradation s'annonce pour la journée de jeudi. Une perturbation pluvio-orageuse qui va remonter de la France et va toucher peu à peu toutes les régions. On perdra évidemment quelques degrés, mais les températures resteront tout à fait acceptables. Ça va, tant que c'est acceptable, ça va. Merci Dominique. Tant que c'est entre 20 et 20. Oui, ça va, ça va. C'est bon. On veut juste pas de grosses pluies, pas de grosses périodes de froid, pas du 10 degrés comme on a pu connaître la semaine dernière, mais 20-26, on accepte, on prend. 18h33, on part sur les routes, tout de suite RTBF Mobile Info, Adrien Demey, comment ça roule? Eh bien, quelques difficultés, notamment liées à ce camion en panne sur le 40 entre Liège et Bruxelles. Il se trouve en panne à hauteur de Berthem. Deux voies de circulation sont neutralisées à hauteur du kilomètre 14. Conséquence, un ralenti en amont à partir d'Everlay en direction donc de Bruxelles. Sur le ring de la capitale, en circulation extérieure, autre véhicule en panne à hauteur de Hoylart. C'est une voie de circulation qui est entravée et il y a ces files également dans ce secteur si vous circulez vers Zaventem. Sur le 411 entre Namur et Bruxelles, il y a une zone de travaux entre Champion et Aiguezet. Le trafic roule en accordéon entre le viaduc de Baie et Aiguezet en direction de Bruxelles. Et puis sur la nationale 978, un accident s'est produit au niveau de la commune de Walcourt. La chaussée a dû être fermée dans les deux sens, tant vers Fontaine que vers Gerpine, mais une déviation a été mise en place. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et tu dois marcher droit, tu n'as pas le droit au faux pas. Oui, tu dois marcher droit. On va parler de marche là tout de suite, parce qu'il y a une activité qu'on fait quand il fait beau, quand on part en vacances à la montagne, mais chez nous aussi, c'est la randonnée. Et alors la randonnée, elle est de plus en plus pratiquée chez nous. D'année en année, il y a de plus en plus de monde qui adore aller prendre son sac à dos, ses bonnes chaussures et aller marcher. On va en parler avec Lucette van der Meeren. Vous êtes présidente du cercle Pégase. Vous êtes un vieux cercle de marche qui a déjà 110 ans d'existence et vous êtes à Bruxelles. Bonsoir Lucette. Allô Lucette? Allô oui. Ah, bienvenue sur Vivacité Lucette. 110 ans d'existence pour votre club, c'est beaucoup hein? Oui, c'est fort long en effet. Ça fait plaisir. Lucette, vous entendez que dans l'actualité, on nous parle de la randonnée qui est de plus en plus pratiquée. Vous constatez ça vous au sein de votre cercle? C'est-à-dire nous avons toujours beaucoup d'amateurs qui viennent marcher avec nous, mais de plus en plus, il y a d'autres cercles et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de groupes lorsque nous randonnons, soit dans les Ardennes, soit dans les environs de Bruxelles, et ça fait toujours plaisir. C'est quoi l'endroit qui fonctionne le mieux pour les randonnées? Ben écoutez, nos pilotes qui sont tous des bénévoles des pilotes suivent généralement des GR ou bien vont sur place prospecter un trajet qui leur plaît le mieux pour faire de nouvelles découvertes. Mais plutôt dans quelle région? Partout? Partout en Belgique, oui. Et nous organisons aussi des week-ends sac à dos, donc en itinérant. Et là, on dépasse un peu les frontières. Il y a l'Eifel qui n'est pas loin, le Grand-Duché. Et puis, nous avons aussi, chaque année, un ou deux voyages, plus souvent en France, pour 8 jours, où nous randonnons aussi dans les endroits les plus spectaculaires. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, Lucette, est-ce qu'on part quand même en randonnée? Oh oui, c'est pas le temps qui va nous arrêter. Ni la pluie, ni le froid, ni le vent, ni la chaleur. Mais quand il fait chaud, évidemment, il faut s'équiper en conséquence, c'est-à-dire avoir un bon chapeau et puis une bonne bouteille d'eau aussi. Ah, ça c'est important. Et vous prenez que de l'eau en randonnée ou vous prévoyez l'apéro pour les pauses? Ouais, c'est-à-dire on recommande à tout le monde de prendre de la boisson avec lui. Le plus souvent, on peut trouver évidemment sur place de quoi se désaltérer. D'accord, donc l'apéro n'est pas interdit quand on est en randonnée. Ouais, écoutez, un verre de bière, ça rafraîchit. Hein, ah bah, si c'est vous qui le dites, Lucette. Mais il ne faut pas exagérer. Exactement, exactement. Alors Lucette, si je dois vous demander votre endroit préféré à vous pour une randonnée, le plus bel endroit où vous ayez marché, c'est quoi? C'est où? Oh, bah, écoutez, c'est difficile à vous dire parce qu'il y a tellement de beaux endroits en Belgique. Les Fagnes, évidemment, ça c'est assez extraordinaire. Puisque là, on peut randonner toute la journée sans rencontrer de village. On a des paysages magnifiques. Et en toute saison, c'est très agréable. En hiver, c'est évidemment un peu dur parce qu'il n'y fait plus froid, oui. Vu l'altitude. Mais on s'équipe et ça, c'est pas ça qui va nous arrêter. Ben voilà, donc le coup de cœur de Lucette, c'est pour les Fagnes. Lucette, vous êtes encore à la recherche de membres, on peut vous rejoindre? Oui, oui. Donc notre cercle a un site et on peut le consulter. www.cerclepegase.be. Bah, n'hésitez pas à y faire un tour, comme ça on marche, on prend l'air, c'est bon pour la santé. Et au moins, on a un avantage, Lucette, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est que le jour où il y a grève des bus ou des trains, ce qui arrive de temps en temps chez nous, bah, c'est pas grave, on fait le trajet à pied dans ce cas-là, parce qu'on est entraîné. Oui, bien sûr. Oui. Les lieux de rendez-vous sont toujours respectés, et puis on s'organise différemment quand il y a un problème. Exactement. Lucette, merci d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Avec plaisir, merci. Au revoir Lucette. 18h39, on va du côté du Standard tout de suite, faire un tour de ce que vous faites pendant cette journée, ce lundi du 15 août. On va chez Alain de Wans. Bonsoir Alain. Salut jeune homme. Joyeux anniversaire Alain. Merci. Dis donc, ça n'arrête pas aujourd'hui, on soit que des messages d'auditeurs qui fêtent leur anniversaire. Alain, 53 ans aujourd'hui, vous avez fêté ça tout le week-end il paraît. Ah bah depuis vendredi, j'arrête pas. Ah, alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais qu'en Liège, moi. Ah ben, on aime bien faire la fête à Liège, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a été prévu pour cet anniversaire? Désolé. Qu'est-ce que vous moi, avez... Depuis vendredi, c'est barbecue, avec les amis, la famille, les enfants, c'est super génial. Je prends un super panard. Eh ben, ça s'entend en plus, Alain, que vous faites la fête. Alain, ce soir, il y a encore attendez, de la... Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils vont chanter, attends. Ah, attends, ils vont chanter. Une chanson, j'aime bien les chansons. Ouais, allez. Bravo à toute la chorale. Tous les auditeurs ont entendu. Génial. On entend qu'il y a de l'ambiance. Alain, très bonne. Ah bah tant mieux. Très bonne fin de fête d'anniversaire. Et puis merci d'écouter Vivacité pour votre anniversaire. Ça fait plaisir. Bon, ce n'est jamais. C'est du 1er janvier au 31 décembre, ma Vivacité. Ah bah ça, c'est un très bon choix. Tout le monde devrait faire comme vous. Alain, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore un bon anniversaire. À bientôt. Merci Cyril, à bientôt. Au revoir Alain. Voici tout de suite l'histoire de Voïd, c'est Marc Toesca. Pop Story tout de suite et pendant ce temps-là, vous continuez à me dire ce que vous faites pendant ce lundi 15 août. 3063, je vous attends par SMS. Pop Story. Aujourd'hui, Pop Story célèbre le 30e anniversaire du film Youngblood et son casting de rêve qui furent la cause d'un véritable cataclysme hormonal chez les adolescentes de 1986. Rob Lowe, Patrick Swayze, Keanu Reeves étaient réunis à l'affiche d'une super production taillée sur mesure pour rameuter un public de lycéennes devenu totalement incontrôlable. Tout comme la sélection des acteurs, la composition de la bande originale a été particulièrement soignée et confiée à William Orbit, grand gourou anglais du synthé et de la boîte à rythme. À la bande originale du film Youngblood, le groupe californien Starship s'offre une deuxième jeunesse avec Cut You Down to Size. Nous sommes en plein dans cette vague pop électro outrageusement datée 80 quand les sons synthétiques et les guitares haut perchés débordaient de tous côtés. Visiblement, le directeur musical William Orbit se régale et offre aux chanteurs Mickey Thomas Stand in the Fire. In this world, you take your chances. In this world. l'histoire survitaminée de ce jeune hockeyeur, incarné par Rob Lowe à qui rien ne résiste, pas même la fille de l'entraîneur, le réalisateur Peter Markle a choisi une musique bien velue et bien chargée en sonorité à la mode 1986. Et c'est sur fond de boîte à rythme bien lourdingue et sur la voix de Nick Gelder que Rob Lowe, Patrick Swayze et Ken Reeves s'affrontent à coups de crosse et de lames de patin à glace pour conquérir le cœur de la belle héroïne. Chez les ex-adolescentes de 1986, le film Youngblood aura donc laissé le souvenir ému de cette rencontre entre Rob Lowe, Patrick Swayze et Keanu Reeves, trois futurs stars d'Hollywood. La musique, quant à elle, produite par William Orbit, est devenue un vestige de la synthé pop et véritable fourre-tout de styles et de groupes très en vogue à l'époque, du genre Mister Mister. Mister Something Real, extrait de la bande originale du film Youngblood, c'était en 1986. Pop Story. L'histoire des hits. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances. Et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Demain, dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Mélanie Joris, Sylvie Honoré et Joël Sève. Vivacité Matin, dès 4h30, avec Karine Bresse, les meilleurs moments des émissions de la veille et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Eh bien c'est ici Vivacité, qu'est-ce qui s'y passe à partir de 19h? Eh bien c'est le Tip Top qui arrive, il y a eu le nouveau classement samedi. Si vous l'avez raté entre 10h30 et 13h, ben restez là, parce qu'il y aura un petit récap du classement. Et puis l'occasion de découvrir aussi des morceaux que vous connaissez pas forcément encore. Tout ça c'est dans quelques minutes. Ce que je peux vous assurer déjà, c'est qu'il y aura Justin Timberlake ce soir. On est sur la musique du 15 août là, on est clairement sur quelque chose qui fait bouger, qui donne un petit air de vacances et la suite vous l'entendrez à partir de 19h dans le Tip Top qui arrive donc dans 15 minutes. 5 à 7. Les enfants de cœur, c'est la suite du 5 à 7, le best-of de tout ce que vous avez adoré pendant l'année. Mais avant, on s'intéresse à un article du Vif aujourd'hui. Le régime végétalien est-il mauvais pour les enfants? C'est à la mode d'être soit végétarien, soit même végétalien. On va en parler avec Serge Peters. Vous êtes nutritionniste, diététicien et président de l'Union professionnelle des diététiciens. Bonsoir Serge. Bonsoir Cyril. Merci. Bonsoir. D'être dans le 5 à 7, même un 15 août. Vous n'arrêtez jamais Serge. Ah, effectivement, effectivement. C'est la passion, voilà, du métier. Mais, ça. Est-ce que On peut parler diététique sans fin, comme je dis toujours. Bah, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est dangereux le régime végétalien pour les enfants? Déjà, globalement, est-ce qu'il y a un risque à être végétalien? Alors, peut-être définir ce que c'est que le végétalisme par rapport au végétarisme. Le végétarien ne va peut-être pas manger de viande, mais va encore manger du poisson, des œufs, des produits laitiers et parfois du poisson, alors que le végétalien va extraire de son alimentation tout ce qui aurait une origine animale. Et donc, on va peut-être notamment aussi extraire, par exemple, le miel, le lait, et même dans sa manière de s'habiller, il va éviter de prendre, par exemple, de la soie ou du cuir. Donc, c'est vraiment un rejet complet, soit pour des raisons philosophiques, soit de bien-être animal, soit autre, mais ils vont rejeter tout ce qui proviendrait de l'animal. Il y a un risque pour la santé? Alors pour la santé, c'est vrai que nous avons surtout besoin de protéines. Et ces protéines, nous les trouvons généralement principalement dans la viande. Mais effectivement, il n'y a pas que la viande. On trouve également des protéines végétales, notamment dans les légumineuses, telles que les pois chiches, les lentilles, les haricots secs, les flageolets par exemple. Et d'autre part, on en trouve également dans le pain, les pâtes, le riz, les céréales, donc toutes ces céréales-là. Et quand on associe correctement les légumineuses et les céréales, à ce moment-là, nous avons généralement une bonne protéine qui nous permet tout à fait de vivre. Ça, c'est pour les adultes. Par contre, ça, c'est pour les adultes. Alors, pour les enfants, c'est vrai, effectivement, que c'est beaucoup plus compliqué parce que, notamment, les enfants en bas âge, ils ne peuvent pas manger des bouillies très rapidement. Et donc, à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un déficit important en protéines de bonne valeur biologique, ce qui va induire, d'une part, une dénutrition. Et il y a également d'autres vitamines, et je pense notamment à la vitamine B12, qui n'est que l'on retrouve principalement que dans le règne animal. Et progressivement, ça va également induire des troubles au niveau de la santé. Et donc, effectivement, pour nous, on considère que le végétarisme et le végétalisme, surtout le végétalisme dans ce cas-ci, n'est pas une problématique pour l'adulte en bonne santé. Même si cet été également, on a vu notamment certaines personnes qui ont fait des treks et il y en a une qui est décédée. Donc, on peut se poser des questions, notamment lors des activités physiques intenses. Mmh. Mais pour tous les enfants en bas âge, donc les nourrissons, les enfants en bas âge, même parfois les adolescents qui sont en pleine croissance, les personnes âgées et les personnes malades, nous mettons en garde par rapport à ce régime alimentaire qui finalement n'est peut-être pas effectivement suffisamment complet pour pouvoir couvrir tous les besoins de l'être humain. Si on a envie d'informations, imaginons, voilà, on a des enfants, on veut les mettre dans un régime particulier, le médecin généraliste peut conseiller ou on va d'office voir un diététicien ? Alors, je pense qu'il faut d'abord toujours en parler à son pédiatre. Ça, c'est clairement la chose la plus importante. Et puis, le pédiatre, bien sûr, travaille bien souvent en collaboration, en réseau avec des diététiciens. Et pour pouvoir équilibrer ce genre d'alimentation, il faut absolument avoir des notions assez fines. Parce que ce n'est pas que de calculer des protéines, il faut calculer les différents acides aminés et de s'assurer que l'enfant n'est pas à risque de carence. Et je peux vous assurer que c'est très compliqué. Ayant travaillé dans un hôpital pour enfants, je peux vous assurer que bien souvent, on voyait des gens qui essayaient, qui jouaient un petit peu aux apprentis sorciers avec leurs enfants. Et malheureusement, ça a souvent posé problème où certains enfants avaient dû être retirés de la garde des parents parce que réellement, il y avait des risques pour leur santé. Donc on fait très attention à ça. Merci Serge pour vos explications. Voilà. Je profite que vous soyez là à l'antenne peut-être pour avoir le repas idéal quand il fait beau, chaud comme aujourd'hui. On veut terminer le week-end sur une bonne note. Vous avez un petit conseil ? Ah, je pense que tout le monde aura plutôt envie d'un barbecue ce jour-ci. Il n'y a pas de problème, on peut manger un barbecue sans souci. Alors, de temps en temps, se faire un barbecue, ça ne pose pas de problème. Ce que l'on va se dire, pourquoi pas un barbecue avec du poisson. Ah oui, ça, c'est vrai. Quand même très très bon. Un barbecue avec des brochettes de légumes et des pommes de terre en robe des champs cuites sur la braise, avec un petit peu de romarin dedans. Je pense que voilà, c'est une belle manière de terminer. Et alors, comme dessert, pourquoi pas une bonne salade de fruits ou un melon. Et ce que je peux vous conseiller, c'est éventuellement de mettre le melon ou voir l'ananas sur le barbecue et de le faire griller. Je peux vous assurer que ça surprend et c'est pas mal. Ah bah c'est à essayer ça. Merci pour l'astuce. Je vous souhaite une excellente soirée, Serge Peters. À merci bientôt. Merci vous aussi, au revoir. Il est 18h52. Voici les enfants de cœur tout de suite. C'est le best-of pendant tout l'été. On écoute les meilleurs moments, dont les épisodes des Baraki. Les enfants de cœur. On va se quitter, mon cher Pascal, avec le feuilleton Les Baraki dans les rôles principaux. James Dino, c'est Kevin Josiane, la maman Baraki, Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane, et Cody, c'est Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, avec un rôle en or pour Pascal Légitimus, les Baraki rencontrent un terroriste. Chadé. Quelqu'un a vu ma tondeuse à gazon ? Elle est dans l'armice. Kevin Bryan, on frappe à la porte. Va ouvrir, je suis en train de m'épiler. Ah, c'est là qu'elle est, ma tondeuse. Non, dites juste, Kevin Josiane, je l'ai déjà dit mille fois, tu dois mettre le bac à herbe, hein. T'es en train de mettre des poils partout dans le salon. Ben quoi, ça fait une moquette plus douce, hein. Ouais, sauf que la dernière fois que le nettoyeur est venu, il a pas compris pourquoi au lieu de trouver des acariens, il a eu droit à des morpions, hein. Ma, Toto, j'ai ouvert la porte et c'est un type avec une drôle d'accent qui est là. Bonjour, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver mon chemin? Dieu, c'est quoi cet accent de Baraki? Parce que je suis antillais. Et t'es anti quoi? Mais qui sont cons, hein? Je suis antillais, je vous dis. La Martinique, tu connais? Ah, moi je connais notre voisine, la Martine, mais ça fait longtemps qu'elle nique plus, hein? Mais c'est pas possible, ça je le crois pas. Bon, laissez tomber. Moi je suis venu en Belgique car je voudrais me former pour devenir un terroriste. Je sais que vous en avez plein chez vous. Ah, oh, si tu veux, je te refile Kevin Josiane. Tu vas voir, elle va vite te terroriser, hein. Ouh là là, mais tu comprends pas. Hein. Moi, je cherche à voir Molenbeek. Tu dis Kevin Oufti, c'est bizarre. Il veut voir ton petit gigouigoui qui a la forme d'un bec verseur. Ta molle en bec. Ouais. C'est pas bon. Oh là là. Oh là oh là. Là. Je sais pas où est la blague, là. Je suis un peu largué. Là, je suis largué. Hein. Je tombe bien dans une famille de ouf, là. OK, d'accord. Je vais vous dire ça autrement. On va articuler. Je vais aller là où vivent les gens qui vous terrorisent. Ah, j'ai compris. OK, prends de quoi noter, grand, je te donne l'adresse. Alors, si tu veux aller là où vivent les gens qui nous terrorisent, tu dois aller au 16 rue de la Loi. Non. Non, attendez. Mais non, le 16 rue de la Loi, c'est l'adresse de votre gouvernement. Non. Attendez, je vais vous dire ça encore autrement. Je vais aller à une adresse où je pourrai apprendre comment me faire sauter. Ah, OK. Ça, j'en connais plein, mais je peux pas te les donner devant ma femme. Mais qu'il est con, lui, alors, oh mon Dieu. Je crois que vous me comprenez pas bien. Je veux commettre un attentat dans mon pays. Je voudrais suivre une formation ici. Mais pourquoi tu veux faire ça, imbécile couillot? Ben, je veux le faire au nom de ma religion. Ah, OK. Mais dis, abruti, c'est écrit quelque part dans ta religion que t'as le droit de tuer des gens, toi? Non, ça, je sais pas lire, moi. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais bon, si je meurs en martyr, j'aurai droit à 72 vierges au paradis, il paraît. Chedé. Tu préfères pas ma Kevin Josiane et les Capricornes? Mais arrêtez de m'embêter. Je vais faire un attentat terroriste, moi. Oui. OK. Tu sais que ça se prépare, un attentat? Faut apprendre à faire une bombe, préparer son coup, s'organiser. C'est beaucoup de boulot, tu sais. Ouh, oui, c'est du boulot, ça. Ouh là là, ça veut dire que ça va être crevant, alors. Ouh, j'avais pas réfléchi à ça, mon vieux. Ben non. Si t'avais un cerveau, tu tuerais personne, abruti. Tu vivrais. Ouais, hein. Et pourquoi tu veux mourir, hein, couillot? Ça sert à quoi, hein? Regarde, il fait beau dehors, hein. Allez, viens, on va aller boire une bière. C'est mieux que de finir dedans, hein. Mais maintenant que vous me le dites, là, mais c'est vrai, là, que je me dis que la vie, c'est fait pour rire, avoir des amis, faire la fête, boire du rhum, boire des coups, profiter de chaque moment, mais oui. Ben ouais, c'est ce qu'on vient de faire, là. Ça n'est qu'un sketch pour essayer de faire rire les gens, leur apporter un peu de bonheur. Et ce sera tellement mieux si tous ces cons qui tuent pour rien faisaient la même chose. Ouais, nous, notre seule religion, c'est de rire, pour pas pleurer de tout ce qu'on voit. En tout cas, je vais vous dire un truc. Pour une fois, c'est pas vous qui êtes les plus bas. Ah non, la preuve, on est bas, on est ras, on est qui? Les baraquis! Il faudra attendre demain soir pour retrouver les enfants de cœur, mais si ça vous manque d'ici là, je vous rappelle que vous les retrouvez bien sûr 24h/24 sur vivacité.be. Juste avant le journal de 19h et le Tip Top qui arrive jusque 20h, on va aller chez Serginho à Aisne-Saint-Pierre. Bonsoir Serginho. Bonsoir. On fait le tour cet après-midi de toutes les activités des auditeurs de Vivacité. Alors, on a fait un tour tout à l'heure à la plage, on est allé faire du kayak aussi, on est allé dans les champs avec ceux qui bossent aussi actuellement. Et vous, Serginho, vous êtes resté à la maison aujourd'hui? Ben, moi, je suis resté à la maison tout simplement parce que je suis en revalidation, parce que j'ai subi quelques opérations depuis le mois de janvier. Ah ben, il faut prendre le temps, oui. Ben, je prends le temps, hein, il faut le temps que tout se remette en place, donc... Comme compagnie, ben, il n'y a qu'une chose, c'est Vivacité, comme le disait l'auditeur précédent, du 1er janvier au 31 décembre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ben ça, voilà. C'est super sympa. J'ai l'impression que les auditeurs nous font des déclarations d'amour aujourd'hui. Alors, c'est vraiment super c'est sympa. C'est un jour, hein. C'est une fête, donc on est de la fête. On se fait des bisous, on se fait des câlins, tout ça. On fait la fête ensemble. C'est normal, Serginho? Ben oui, c'est normal, je la fête toute l'année avec Vivacité. Faut pas attendre qu'il y ait une occasion pour faire la fête. Moi, j'ai la fête tous les soirs avec 5 à 7. J'ai même trouvé un petit slogan pour vous. Ah, dites-moi. 5 à 7, c'est chouette. Ah ben ça, c'est bien ça. Ça, on pourrait le mettre voilà. Dans les pubs peut-être bientôt. Ben, je vais vous l'envoyer par SMS, donc voilà. Ah ben, je vais envoyer ça tout de suite à l'équipe de communication. Vous savez qu'il y a toute, une équipe qui travaille quand on fait des pubs. Qu'est-ce qu'on va mettre comme message ? On s'arrangera pour les droits d'auteur après. Ben oui, oui, oui. Ça, je leur envoie votre message et vos coordonnées. Et peut-être que c'est vous qui signerez la prochaine campagne de pub de Vivacité. Qui sait ? Il n'y a pas de souci. Bon, et sinon, vous avez quoi de prévu pour ce soir ? Vous continuez à écouter Vivacité ? Ce soir, on va faire un petit barbecue en compagnie de Vivacité. On va écouter, parce que samedi, on n'était pas là, donc on n'a pas écouté le tip-top. Donc on va se remettre un petit peu ça dans les oreilles ce soir avec un petit barbecue, bien tranquille entre amis. On est une dizaine, on va faire ça. Ça, c'est chouette. Voilà. Et il y a quoi qui va griller sur le barbecue ? La saucisse, pomme de terre, les classiques quoi. Ouais, mais des classiques c'est efficace sur un barbecue. Voilà. On peut partir sur des découvertes, mais des classiques ça fait du bien aussi. Oui, ben on trouve plus vite les classiques que les découvertes. Voilà. C'est pas faux. J'ai une bonne boucherie à côté. On a toujours les colis barbecue qui sont frais. Ah donc, bah alors là c'est parfait. C'est parfait. Eh ben Serginho, merci d'être passé ce soir sur Vivacité, de nous écouter et bon barbecue à vous. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Juste après le journal de 19h, c'est justement le tip-top qui arrive jusqu'à 20h sur Vivacité. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Le monde sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le monde sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Direction le sud de la France. Avec le tour opérateur Lagrange, nous vous emmenons séjourner en famille au bord de la Méditerranée. À Narbonne-Plage, dans l'Aude, à la résidence, la baie des Oliviers. De là, vous partirez à la découverte des vignobles, du canal du Midi ou encore des cités historiques de Narbonne et Carcassonne. La grande évasion avec Philippe Jauniaux et Aurore Salzano. Il est 19h. Franck Ruel, bonsoir. Beaucoup de monde ce week-end à la côte. La SNCB a transporté près de 150 000 voyageurs et la station la plus populaire a été Ostende. Près de 80 000 personnes s'y sont rendues en train en 3 jours. Et pour transporter tout ce monde, la SNCB a dû mettre en service 18 trains supplémentaires, en plus donc de l'offre estivale déjà renforcée. Beaucoup de monde aussi à Liège pour les fêtes du 15 août, après la procession de la Vierge Noire ce matin et la traditionnelle messe en plein air avec le sermon en wallon. Place cet après-midi au tout aussi traditionnel cortège avec les géants Tchantier et Nanès. Par ailleurs, en cette fête de l'Assomption, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, Salah Echalaoui, a envoyé une lettre aux évêques pour souhaiter à tous les catholiques une très bonne fête de Marie. L'occasion de rappeler aussi que l'exécutif des musulmans se tient à leur côté en ces temps